Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Tous les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les Blancs ! Que Dieu vous tue. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 28. Je procède, comme d'habitude, au rappel traditionnel. L'adresse à laquelle vous pouvez nous contacter, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, pour recevoir les alertes. Idem pour la page Facebook, abonnez-vous aussi. Le site internet democratieparticipative.biz. Vous pouvez bien évidemment, je le rappelle, participer à notre site en envoyant vos candidatures pour proposer des articles régulièrement, j'insiste régulièrement. Vos candidatures sont lues attentivement et ensuite nous revenons vers vous. Je vais présenter immédiatement nos participants de cette semaine. Ils sont connus, de la plupart d'entre vous. Et je commence avec Frédéric Danlévier. Salut Fred. Bonjour, bonjour. Bah écoute, aujourd'hui tout va bien. J'espère que le public va bien aussi. Mais je commence à m'inquiéter parce que, je sais pas si tu te rends compte, mais on a toujours pas notre nègre, notre nègre personnel pour l'émission. Et je veux dire, en tant que groupuscule d'extrême droite française, on n'est pas crédible. Je veux dire, si on n'a pas notre nègre, notre bougnoule de service. Alors, il faudrait quand même penser à se mettre à jour, rejoindre nos frères en armes avec un coloré qui apporte un petit peu d'exotisme, de je ne sais quoi. Enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, moi, je suis contre. Ah, merde. Mais je pensais que le racisme en France, il fallait forcément avoir un nègre. Enfin, j'ai peut-être raté un truc, mais... Bah, je pense qu'effectivement, il faut forcément un nègre si on est au Front National. Après, les podcasts, tout ça, je ne sais pas. Oh, Front National, groupuscules divers et variés, je veux dire, tout est permis, on peut mettre des métèques partout. Enfin bon, bref, on trouvera certainement une solution, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais s'il y a des nègres, bien sûr, qui veulent nous... Non, allez-y. Est-ce que tu prends les métis ? Ah oui, alors particulièrement les métis vraiment repoussants, des mélanges totalement improbables, africano-suédois ou je ne sais quoi, là vraiment c'est les meilleurs. Surtout s'ils se tapent des blondes aux yeux bleus et qu'ils sont un petit peu efféminés bourgeois. Tu mets la barre très haut quand même. Enfin bon. Bah, j'en enchaîne avec toi, cher Captain America. Comment vas-tu, Captain ? Eh ben écoute, Gandalf, moi je vais bien, je te remercie. J'espère que tous nos auditeurs profitent de leur été, l'été de la haine, bien sûr. Oui. Comme il se doit. Hein, et puis, comme d'habitude, en avant Guingamp, en avant les nègres. En avant les nègres. J'enchaîne avec notre ami Argyle qui nous rejoint pour cette émission hebdomadaire. Merci à toi, Argyle, d'être avec nous cette semaine. Comme d'habitude, je suis ravi d'être avec vous, ravi de retrouver nos auditeurs. J'espère que la plupart d'entre eux peuvent se prendre quelques vacances dans des endroits de France ou d'ailleurs où il n'y a pas de Noirs et d'Arabes, ce qui est de plus en plus difficile à trouver. Donc j'espère pour eux qu'ils arrivent à trouver un petit havre de paix pendant ces vacances, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de trouver un endroit qui ne soit pas pollué par l'immigration halogène. Certes. Porovitch, salut Porovitch. Salut à tous, content d'être de retour cette semaine, une fois de plus. Fulbert est aussi avec nous, salut Fulbert. Bonjour à tous. Alors, chers amis, on va entamer cette émission, comme d'habitude, avec notre traditionnelle rubrique autisme radical. Premier sujet, incompréhensible, inédit, inouï, les Français ont perdu 4 points de QI en 10 ans seulement. 10 années, 10 petites années. Et le mystère est presque entier, presque entier. Voici ce que nous en dit BFM TV. J'ai récolté ça donc sur le site internet de la chaîne d'information en continu qui appartient d'ailleurs à Patrick Drahi, quelqu'un qui, je crois, vit entre Israël et la Suisse. Plusieurs études scientifiques démontrent que le quotient intellectuel moyen a dangereusement diminué dans les pays occidentaux ces 15 dernières années. Après un siècle d'augmentation généralisée de la moyenne des quotients intellectuels, notamment liée à l'amélioration des conditions sanitaires et sociales au cours du XXe siècle, la tendance semble s'inverser. À en croire plusieurs études publiées dans la revue Intelligence, le QI moyen de la population baisserait en effet de manière spectaculaire depuis une quinzaine d'années. Alors que les Britanniques auraient en moyenne perdu 14 points de QI depuis la seconde révolution industrielle, donc depuis la fin du 19e siècle, les Français auraient eux accusé une chute de 3,8 points entre 1999 et 2009. Plusieurs causes sont avancées pour expliquer ce retournement, sans pouvoir toutefois mesurer leur poids relatif dans ce phénomène, rapporte la publication Les Échos. La première explication serait que les personnes bénéficiant d'un quotient intellectuel élevé auraient tendance à faire de longues études, repoussant ainsi l'âge de leur premier enfant et réduisant ainsi le nombre d'enfants qu'ils ont par rapport aux couches plus défavorisées de la population. Leur représentation au sein de la population globale s'amoindrirait donc au fil du temps, une hypothèse notamment mise en avant par une étude génétique menée sur plus de 100 000 Islandais nés entre 1910 et 1990 est paru en décembre 2016 dans la revue PNAS, ce qui d'ailleurs est une piste intéressante à étudier, hein, indubitablement. Mais il n'y a pas que cette piste, Autre facteur, la prolifération des perturbateurs endocriniens, dont certains entravent l'action de l'iode, qui joue un rôle primordial dans le développement du cerveau. L'industrie chimique pourrait par ailleurs être partiellement responsable de la baisse du quotient intellectuel moyen avec le développement de molécules dites halogénées qui interfèrent avec le système thyroïdien et l'empêchent d'orchestrer harmonieusement le développement du cerveau, explique Barbara Demenex, citée par Les Échos. Enfin, l'augmentation de la consommation de hashish pourrait également jouer un rôle. Les études ont en effet montré que, contrairement à d'autres drogues comme la cocaïne par exemple, sa prise répétée a un impact négatif sur le cerveau. Les consommateurs réguliers auraient ainsi en moyenne 8 points de QI en moins que les autres. Discussion ouverte, et je commence avec, avec Frédéric Dorlévier. Qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus ? J'ai entendu que ça parlait des couches plus défavorisées, n'est-ce pas, qui avaient plus d'enfants que les couches socio-économiques plus élevées. Et alors je me posais la question, est-ce que par hasard, les couches plus défavorisées, entre guillemets, seraient pas des couches plus mélanisées en même temps, hein? C'est une hypothèse, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un mystère, hein? On ne sait pas comment c'est possible. Alors la piste, j'aime bien la piste des perturbateurs endocriniens, c'est le petit côté Salim Laibi, hein? C'est-à-dire le docteur un peu conspi, tout ça, voilà. Mais c'est vrai qu'on se demande vraiment comment ça a pu arriver, hein? Alors, il suffit de se balader à Paris. Normalement, on sent physiquement l'augmentation du niveau du quotient intellectuel. L'augmentation est là, hein, c'est visible. Donc, comment est-ce que tout ça a pu arriver ? Je sais pas. Mystère et boule de gomme. Voilà, exactement. Astérix nous a rejoint dans l'émission. Je sais pas si tu nous as suivi, Astérix, puisque tu arrives comme ça un petit peu sur. Sur le vif, est-ce que tu as entendu parler du sujet de la matière ? Alors j'en ai entendu parler, moi ça m'a bien plu, j'ai lu l'article, Donc oui, effectivement, ce qui est marrant, c'est que bon, évidemment, on sait très bien à quoi est due cette baisse de QI, mais comme le disait Frédéric dans l'évier, eux veulent pas avouer que c'est directement lié à l'arrivée de subsahariens, mais par contre, ils mettent quand même, ils disent que c'est, alors attendez, je me rappelle plus des trois trucs, mais ils disent à un moment à un moment donné, ils disent, il y a un élément qui est quand même intéressant. Ils disent en fait, il y aurait un phénomène de dysgénie, c'est-à-dire que en fait, les gens intelligents capitalisent à fond, misent sur la qualité et donc font moins d'enfants, lesquels font de plus longues études, qui à leur tour mettent beaucoup plus de temps à faire des enfants, etc. Alors que les couches, on va dire, enfin ce qu'ils appellent défavorisées, mais qui était vraiment c'est un langage orwellien parce que ça veut rien dire. C'est les catégories les plus pauvres ou les plus inaptes, ce qui est pas forcément d'ailleurs identique, font plus d'enfants. Hein. Et donc, sur le long terme, on se retrouverait dans une situation où d'abord, l'écart entre les gens très intelligents et les gens très faibles, le médian en fait, serait plus large, et puis ensuite, il y aurait beaucoup moins de gens intelligents. Bon, ça, c'est une explication qu'ils ont mis en avant, notamment sur la base d'une étude islandaise. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Non, ben ça, c'est à la rigueur la meilleure raison, enfin, le truc qui est le moins con dans leur baratin, mais c'est une fois de plus, ils cachent à chaque fois, ils trouvent des nouvelles raisons, enfin, d'autres raisons parallèles qui sont liées au fait que les mecs soient des négros, parce que les classes défavorisées, ce sont des négros, les gens qui, je sais plus les trois raisons qu'ils donnent, même les perturbateurs endocriniens qui se trouvent dans la junk food et tout ça. C'est des négros, enfin, à chaque fois, en fait, on voit que les négros correspondent aux trois trucs qu'ils évoquent. Il y a le hashish aussi, il y a le hashish. Je t'arrête tout de suite, le hashish, ça n'a rien à voir avec les bougnous et les nègres, hein, attention. Ouais, attendez les gars, il y a beaucoup de blancs hein, qui carburent au hashish aussi, hein, attention. En fait, faut pas rejeter certaines explications. C'est vrai que quand tu prends le cas de l'Islande, c'est bien connu, ce qu'on appelle les white trash, font des gosses, c'est plutôt effectivement que les gens qui sont plus intelligents vont capitaliser, blablabla, ouais, c'est clair. C'est une bonne explication. Mais effectivement, en Islande, il n'y a pas trop de nègres, quoi. Donc, ce qui est valable en Islande, c'est pas valable en France, quoi. En France, on peut avoir ça, bien sûr. Parmi les gens qui sont pas forcément d'ailleurs des gens à haut QI ou des gens qui ont forcément des positions super hautes de la société. Moi je vois par exemple de mes collègues qui a 27 ans, qui pourrait avoir des gamins avec le mec avec qui depuis plusieurs années, couple tout à fait fonctionnel, bon ben voilà, ils se disent non mais les enfants ça prend du temps, hein, voilà. Et donc c'est vrai que même les gens normaux quelque part font pas de gamins, donc les gens normaux se reproduisent pas. Donc qui c'est qui se reproduit finalement? Effectivement, c'est ceux qui se posent pas ce genre de questions, qui sont pas forcément super développés, et puis après bien entendu bon les nègres quoi. Mais faut pas négliger certaines théories qui pourraient passer pour quelque chose qui est conspirationniste. Alors c'est assez amusant, c'est les contorsions même pour trouver les raisons pour éviter le sujet principal, qui, disons-le franchement, ça a été évidemment suggéré, et nous on l'a tous bien compris, c'est évidemment ce déferlement migratoire de demeurer. Parce que, pour prendre un exemple, il faut voir dans l'éducation nationale ce que doivent subir les instituteurs qui prennent les gamins dès la maternelle dans les banlieues colonisées. Ils ont droit à des véritables bêtes sauvages. À peine sevrés, c'est véritablement ça. Quand on discute avec des instituteurs qui ne sont pas complètement bornés et qui ne font pas de déni de la réalité, c'est presque des gardiens de zoo. Donc, évidemment, ces gens-là apportent, à mon avis, un quotient intellectuel relativement plus bas que celui qu'on avait, ne serait-ce que dans les années 70, et en apportant par centaines de milliers tous ces gens qui viennent du fin fond de la brousse ou du bled ou de la savane ou de la jungle indienne, enfin bon, il n'y en a pas encore trop d'indiens, mais enfin ça ne saurait tarder, en apportant tous ces métèques au QI très bas, il est évident que, et d'ailleurs je suis même étonné, enfin, il est évident que le QI national baisse, et je suis même étonné qu'il n'ait pas plus baissé que ça. Parce que évidemment, au contact de ces gens-là, comme dit les classes populaires, et aussi cette formidable conséquence qu'est le métissage, c'est sûr qu'on n'a pas des surhommes au niveau du quotient intellectuel. Donc c'est certain que c'est assez mal barré et que l'immigration-invasion, la déferlante migratoire de métèques complètement tarés et au QI quasi animal, il est certain que on s'achemine vers un abrutissement général des peuples, puisque c'est certain que même les blancs protégés, enfin ceux qui sont complètement protégés, qui sont en dehors de cette immigration, vont pouvoir continuer à préserver, on va dire, leur capacité intellectuelle, mais au contact de toutes ces personnes, de tous ces individus, il est certain que les blancs régressent aussi. Donc en plus d'importer du QI bas, ça fait régresser le QI de nos nationaux, des Français de souche. Donc voilà, mais c'est vraiment amusant là, la façon dont ils se contorsionnent pour essayer de trouver des raisons à cette évidence. C'est-à-dire que rien que, même dans les couches sociales les plus élevées, hein, rien qu'en sortant pour faire les courses, à écouter systématiquement du rap de gros nègres qui passe sur les haut-parleurs, tu perds forcément quelques points de QI hein, sur toute une vie, ça laisse des séquelles. Hein. De la musique congoïde. Ce qui pourrait être marrant, en fait, c'est d'apposer les deux articles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, là, ou une semaine ou deux, il y avait un article qui parlait du QI moyen qui était à 55 des élèves en école primaire au Soudan. Hein. Donc tu mets les deux articles côte à côte, et puis tu fais « Coucou, vous voyez la corrélation ?» Non. Ah, d'accord. Bon. Oui, alors il faut préciser une chose, c'est qu'effectivement, il y a quand même des statistiques du QI mondial, du quotient intellectuel mondial, qui sont, enfin, en tout cas, qui donnent à tout le moins un ordre de grandeur. Donc en Afrique subsaharienne, on est aux alentours de 65-70, hein. C'est ça à peu près. Hein. Ouais. Voilà. Dans le monde arabe, on va dire, bon, l'air nord-africain arabe, on est aux alentours de 80-83. 90-94. Ah non, moi j'ai pas vu ça. Moi j'ai vu 80-85, maximum 85. Hein. Algérie, ouais, 83. Ça c'est parce que t'as regardé l'Algérie et voilà. Non, mais l'Algérie, le Maroc, tout ça, moi j'ai vu, on était aux endroits 82-83, certainement c'est pas 90. C'est 85, ouais, c'est ça, c'est 85 le Maghreb. Ouais, ouais, voilà. Et encore, hein, ils sont généreux, hein, je pense, ils ont 2-3 points plus. L'Inde, on doit être au même niveau, hein, on doit être à peu près dans les mêmes niveaux. On a un tout petit peu plus, 90. D'accord. On a ensuite l'Asie du Nord, alors qui est différente. Alors, la Chine, la Corée, le Japon, là, on est aux alentours de 105, hein, je crois. Hein. Le Corée-Japon, 105, effectivement, comme les Ashkénazes, et la Chine, c'est 100, je crois. Non, les Ashkénazes, les Ashkénazim, alors, donc la partie de la population européenne, enfin, juive européenne, qui n'est pas toute la population juive, précisons-le, est à 115, hein, de moyenne. Hein, 115. Hein. Et, comment dire, alors, un phénomène aussi intéressant, parce qu'on a quand même du recul, sur les Afro-Américains, donc les Noirs d'Amérique, qui sont passablement métissés. Alors, en moyenne, entre 15 et 30%, mais plutôt 15%, avec des Blancs, là, on est sur une moyenne aux alentours de 90%. Alors, c'est une moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des individus qu'on va retrouver à 110, 120, 130, même chez des Noirs, bien sûr, mais qui sont un petit peu métissés. Et de la même façon, bah, chez des Asiatiques, dont la moyenne est à 105, bah, on va retrouver des gens qui sont des débiles à 90. Bon, on s'entend. Mais c'est la moyenne générale qui donne le ton. Mais c'est d'ailleurs ça qui est assez marrant, c'est que quand tu parles des QI dans le monde, les gens te disent « Ouais, attends, moi j'ai rencontré des Noirs très intelligents. » Mais ça, c'est encore pire. Parce que vu que c'est une moyenne, le fait qu'il y ait tout un... Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, des Noirs qui ont 100 de QI, bah tous les Noirs... De toute façon, pour faire des études, il faut avoir un QI aux alentours de 100, sinon on peut pas faire d'études. Hein. Les QI à 85-90, ils y arrivent pas. Quoi. Donc tous les Noirs qui sont en terminale et qui passent carrément en études supérieures, qui arrivent à avoir leur bac, ce sont des QI autour de 100. Mais ce qui rend le truc encore pire, parce que ça veut dire que la masse des négros qui... Oula, oula, j'en ai vu à la fac, je vais te dire, le QI va être largement en dessous de 100. Hein. Et encore, je te parle de ça, il y a 20 ans, hein. Déjà il y a 20 ans à la fac, je te raconte pas le cheptel de Noirs qu'on avait, je peux t'assurer que ça n'avait pas 100 QI. Non. Faudra ajouter tout de même que ça, donc c'est des moyennes, mais il faut savoir que l'immigration qui vient chez nous, c'est pas les mecs de la haute hein, qui viennent, hein, c'est les mecs qui sont tout en bas. Donc je pense qu'on peut, une fois arrivés sur notre sol, on peut leur retirer au moins 5 points de QI. Hein. Vous croyez qu'on peut avoir son bac avec moins de 95 de QI, moins de 5 points bah, oui, non, mais attends, au vu des critères actuels et vu à quel point ils surnotent. Effectivement, oui, bien sûr, oui. Oui, et puis même, il y a tout un effet discrimination positive, c'est-à-dire, moi je sais que ça existe aux États-Unis, ça ne m'étonnerait pas que ça marche en France, c'est-à-dire que un prof bien gauchiste qui fait passer, admettons, un oral, par exemple, parce qu'effectivement, à l'écrit, c'est plus compliqué de savoir qui tu as en face de toi, mais qui fait passer un oral et qui voit un bon petit Mamadou qui arrive et qui veut emprunter, n'est-ce pas, l'ascenseur social. Eh ben, évidemment que le prof de gauche, bien généreux, va surnoter probablement pour permettre à Mamadou de passer son chemin. C'est évident. C'est évident. Ça se fait aux États-Unis. Ça m'étonnerait que ça ne se fasse pas en France, vu le niveau de gauchisme mental qu'on constate quand même. D'accord. Mais enfin bon, ce que je voulais dire, c'est que l'argument selon lequel il y aurait des noirs très intelligents, ça rend le truc encore pire. Parce que vu que c'est une moyenne, ça veut bien dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de noirs qui sont à 50, 55 de QI. Ah oui, non, mais ce que tu veux dire, c'est que quand quelqu'un dit « je connais un noir très intelligent », en gros, ça implique « oui, en fait, la plupart sont des cons. Mais moi, j'en connais un, voilà. » Bah d'ailleurs, en fait, c'est un petit peu ce que font là, les suprémacistes noirs, là. Ils disent « Ah mais regardez, on a trouvé un mec, un grand inventeur, qu'est-ce qu'il a fait ?»« Ah bah il a travaillé dans un laboratoire quelque part au fond aux États-Unis dans les années 30 et tout. »« Ah ouais, non, sans déconner, ouais. » Bah, des gens comme ça, tu vois, on en a plein. Il a inventé le sac en carton. Non mais c'est assez rigolo. Ceci étant dit, là effectivement, clairement, l'argument migratoire... En fait, c'est même pas l'argument migratoire, enfin, c'est une partie de la composante, mais... de l'explication. En fait, c'est l'argument racial. Hein. Donc l'argument racial, il est oublié, on n'en parle pas, on n'a rien vu, on ne sait pas de quoi il s'agit, et on va regarder, ouais, peut-être qu'on a un petit peu trop de prix de produits chimiques dans son bol de céréales le matin, effectivement. Par contre, il y a, outre le dysgénisme propre, je veux dire, aux élites qui se reproduiraient moins, etc., bon, outre cet argument qui me paraît assez valable, donc ça c'était l'étude islandaise, il y a quand même l'argument du shit et de la drogue, ça me paraît quand même un argument assez intéressant. Alors on pourrait dire, oui, mais il y a la télévision, etc., le fait qu'on ne lise plus, c'est vrai aussi, hein, je veux dire, on lit plus, etc., mais comme il disait, ça c'est intéressant, parce que c'est un argument qu'on nous sert en nous disant, oui, mais aujourd'hui, on ne stimule plus les populations avec de la lecture, etc., et comme on l'a dit... le QI était beaucoup plus élevé en Angleterre avant la deuxième révolution industrielle, donc au 19e siècle, quand les populations en Angleterre étaient encore pour une bonne partie, enfin en tout cas pour une bonne moitié, rurales et finalement assez peu éduquées, en tout cas pas comme aujourd'hui, pas un accès à la lecture comme aujourd'hui, c'est tout à fait évident. Et je pense même qu'aujourd'hui, finalement, il y a une redynamisation de la lecture en fait, par Internet. Alors, approximatif peut-être, mais enfin il faut quand même faire un effort de lecture aujourd'hui qui n'était peut-être pas évident il y a 50 ans, je veux dire, dans la vie de tous les jours il y a 50 ans, je suis pas sûr qu'on lisait autant qu'aujourd'hui quand on lit une tablette. Alors ceci étant dit, vu les conneries qui sont diffusées maintenant sur ces mêmes tablettes ou sur les écrans, il y a peut-être un effet qui annule quoi. Moi je mettrais quand même un bémol là-dessus, ça c'est mon expérience personnelle, sans vouloir me jeter des fleurs, quand j'étais jeune. Enfin, depuis que je suis petit, en fait, jusqu'au lycée, j'ai toujours été excellent en orthographe, en grammaire, machin et compagnie. Toujours de très bonnes notes en dictée, genre 19-20. Est arrivé Internet. Hein, et à partir du moment où j'ai commencé à aller sur Internet, mon niveau de français a périclité d'une façon vertigineuse, en fait. Tout simplement pourquoi ? Eh bien, parce que lorsqu'on ne lit plus des textes, des livres, tout un tas de textes, quoi, qui sont vérifiés par des gens véritablement possédant un très bon niveau de français, on lit quoi ? On lit des textes remplis de fautes. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, bah, le système, enfin le cerveau humain fait que, ben bah, quand tu vois les mêmes fautes répétées tout le temps, à part celles qui sont véritablement en fait tellement grosses, je veux dire mettre un S à la place d'un C pour ce, je veux dire bon, enfin à part si t'es vraiment assez dramatique, pas, ça. Non mais c'est un autre sujet, mais oui c'est vrai, c'est dramatique. C'est catastrophique. Mais c'est vrai que la lecture hein, sur Internet, moi ça a été vraiment un facteur déclenchant dans la perte de mon niveau de français, donc je mettrais quand même un bémol sur ce que tu viens de dire. Par contre, la cam, le shit. Ah oui, là, ah bah là c'est... Toi, hein, c'est une catastrophe. Là, c'est totalement valable. Enfin, de toute façon, leurs arguments ne sont pas invalidés par notre argument, puisque les noirs fument beaucoup de shit aussi, et puis... C'est pas parce que le shit fait baisser le QI, évidemment, de la population française, puisque aujourd'hui, il y a, je crois, un tiers des jeunes qui fument, et ceux qui fument régulièrement doivent être à peu près 10%, et ceux-là doivent avoir le QI qui chute de 10 points à peu près. Donc vous faites un truc, ça fait en gros le QI qui chute d'1%. Sur tous les jeunes quoi. Donc leurs arguments sont valables, simplement ça remplit pas les 4% de chute sur la moyenne. Pour qu'il y ait 4% de chute de QI, il faut qu'il y ait bien plus que ça, surtout qu'en parallèle des choses qui font chuter le QI, il y a aussi des choses qui augmentent le QI, par exemple les jeux vidéo, qui évidemment rendent très con, ça rend inconscient, ça rend blaireau, ça rend hystérique. Enfin, les jeux vidéo ont tout un tas de défauts. Par contre, les jeux vidéo augmentent le QI, parce que le QI n'est pas lié à la conscience. Hein. On peut avoir un très haut QI et être un parfait zombie, être un parfait exécutant. Il y a plein de très hauts QI d'ailleurs dans la haute parisienne, là, les Yann Barthès et tout ça. Je suis sûr que c'est des QI tout à fait respectables. Hein. Pourtant, c'est des gros blaireaux. Mais les jeux vidéo développent le QI, ça c'est prouvé aussi scientifiquement, quoi. Parce que ça développe la rapidité d'analyse et par conséquent le QI, quoi, parce que le QI c'est quand même étroitement lié à la rapidité d'analyse, quoi. Et donc ces trucs qui font baisser vertigineusement le QI moyen de la jeunesse française, tels que le shit, les drogues festives aussi, hein, on se rend pas compte, mais les drogues festives c'est hallucinant comme ça tue le cerveau, le MDMA, tous ces trucs que consomment toutes les petites connasses en fac aujourd'hui consomment de ces merdes. Hein. Bon, elles en consomment pas quotidiennement parce que c'est pas des drogues qui se consomment quotidiennement, mais le QI qu'elles perdent avec ça, même en consommant qu'une fois par mois, c'est incroyable. Hein. Elles perdent 2-3 points facilement, quoi. Donc, à mon avis, on est vraiment sur un équilibre entre ce qui nous fait gagner du QI, ce qui nous en fait perdre, et ce qui a fait les 4 points de différence, bah, c'est l'arrivée massive de subsahariens et de maghrébins aussi, surtout subsahariens. Les soudanais, tout ça, c'est vraiment la catastrophe. Moi, ce qui m'étonne, c'est juste le simple fait qu'ils parlent du QI. Bon, alors après, c'est BFM, donc voilà, mais ça m'étonne qu'ils en parlent tout court, puisque en France, c'est quand même quelque chose qui, globalement, enfin, à chaque fois qu'on parle de QI, tout le monde se met à pousser des hauts cris. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? On va mesurer l'intelligence, gna gna, mais crâne. De partout. Donc, comment dire, le simple fait qu'on essaye, enfin qu'on donne au quotient intellectuel de la crédibilité, moi ça, enfin ça me surprend un petit peu. Hein, je sais pas. En fait, si tu veux, il y a quand même une pression internationale qui fait que t'as quand même des comparaisons, c'est comme les comparaisons avec les grandes écoles, c'est les grandes écoles françaises avec les autres. Il y a toujours, alors ça c'est systématique, vous l'aurez cette année, vous l'aurez l'année prochaine, vous les aurez les 10 prochaines années. Donc le truc arrive, et bon, ils peuvent pas totalement faire l'impasse, quoi. Mais tout de suite, t'as le connard qui dit, oui mais alors, attendez, rassurez-vous, ce classement ne veut rien dire, c'est complètement truqué. Alors c'est fait par des Chinois, ils disent oui mais c'est des Chinois mais ils sont inspirés par les Anglo-Saxons. Alors tu vois, puis il n'y a plus rien qui va, c'est des bouffeurs de riz qui sont inspirés par des bouffeurs de hamburgers, donc il n'y a rien qui va. Et je me rappelle même, quoi, je crois qu'il y a 2 ans, le gouvernement français a dit bon, nous allons pallier à tout ça, nous allons créer notre propre classement. Tu vois, alors le classement français international, tu vois, alors évidemment, voilà, tout le monde s'en est beurré l'anus de savoir ce que pensait la France, tu vois, de son classement de merde, et du coup, les écoles françaises sont notées pour ce qu'elles valent, c'est-à-dire de la merde, hein, ou pratiquement, quoi, sauf peut-être quelques départements ici ou là qui survivent, mais enfin bon. Mais enfin bon, il y avait le phénomène d'Ill. Ceci étant dit, c'est un fait, il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui à l'international, et la France peut pas faire comme si ça n'existait pas totalement, tu vois. Ce qu'elle a pu faire pendant très longtemps. ça explique une partie de ça, quoi. Mais tant mieux, c'est vrai que c'est étonnant. Ouais. La France est un petit peu poussée à sortir de ce nautisme gauchiste, quoi. Non, j'irai pas jusque-là. Donc, elle ne peut plus ignorer le fait qu'elle évolue dans le caca. C'est un point positif. C'est un point positif. Sujet numéro 2, chers amis. Alors là, bon, ça m'a diverti, parce que comme quoi, sur certains critères, la France est dans une meilleure position que d'autres pays. Donald Trump exclut les transsexuels de l'armée américaine. Alors, vous allez me dire, ah bon, ils étaient intégrés? Eh ben oui, vous l'apprenez, et vous apprenez par la même occasion que Donald Trump a rectifié le tir. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce mercredi sur Twitter que les personnes transgenres, je cite, hein, ne pourraient pas servir dans l'armée américaine. Je cite le président américain. Soyez avisés que le gouvernement des États-Unis n'acceptera pas ou ne permettra pas que les personnes transgenres à servir dans une quelconque capacité, n'acceptera pas aucune donc personne de ce type hein, dans les unités de l'armée américaine. Ça, c'est ce qu'il a expliqué sur Twitter. Il a ajouté « Notre armée doit se concentrer sur une victoire décisive et totale et ne peut supporter les coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres entraîneraient dans l'armée. » Et là, j'ai d'autres choses à rajouter. Mais alors, déjà, je fais le tour de table. C'est quand même stupéfiant de voir le degré de dégénérescence qui a prospéré aux États-Unis jusqu'à présent. Hein, je veux dire, incroyable, quoi. Des fous. Des malades mentaux, déguisés en hommes ou en femmes, c'est selon, qui ont réussi à s'imposer dans les rangs de l'armée américaine. C'était arrivé jusque-là. Donald Trump a mis le haut là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux juste intervenir une petite seconde, déjà pour confirmer qu'effectivement, le niveau de dégénérescence ici, particulièrement sur la question des homosexuels, et là, maintenant, des transsexuels, c'est vrai que ça allait très très loin. L'Amérique a été vraiment le fer de lance pendant très longtemps de tout ce caca, et on peut se féliciter que Donald Trump mette un peu le holà au moins par rapport à l'armée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en gros, comme l'armée aux États-Unis prend en charge les dépenses médicales de ces troupes, eh bien, il y avait des gens, des transsexuels, malades mentaux, et j'en passe, dont le projet était de s'engager dans l'armée pour que l'armée paye la note de leur changement de sexe, par exemple. Hein. C'est ça. Donc, au vu de cette nouvelle tendance, n'est-ce pas, Trump a dit non, mais là, c'est bon, voilà, hein, vous êtes gentils, mais c'est fini. Et voilà, donc c'est ça qui a fait qu'effectivement, il y a eu une réaction de l'État américain parce qu'il ne se voyait pas payer des centaines de milliers de dollars pour tous les tarés qui voulaient se faire couper la bite ou je ne sais quoi. Alors il faut savoir que Obama avait introduit à la Maison Blanche la première employée transsexuelle, hein, qui répondait au doux nom de Rafi Friedman Gourspan, l'ancien activiste évidemment. Ah mais de qui parle-t-on? Et donc c'était le premier qu'il avait mis je sais pas trop ce que c'était à l'origine, transsexuel à la Maison Blanche. Donc je ne pense pas que cette personne exerce encore à la Maison Blanche. Au nom, on croirait transsexuel, musulman, juif, tout en même temps, quoi. Oui, c'est un joli compromis, je crois. Ah, c'est vraiment magnifique. Hein. Donald Trump a pris une volée de bois vert de la part de la presse, évidemment, de la presse institutionnelle. J'ai vu, moi, sur Twitter, des officiers de l'armée américaine hurler. Bon, évidemment, ce sont des PD. Qui portent l'uniforme parce qu'évidemment il n'y a eu aucun filtrage qui a fait parce que c'est interdit par la législation américaine, on voit où ça mène, comme quoi la ségrégation n'a que des vertus, et quand elle n'est pas faite, voilà. Alors, tu disais, Frédéric Danlévy, qu'effectivement tout s'est dégénéré, tous ces malades mentaux qui voulaient en fait se faire passer pour des femmes ou inversement, c'est pas seulement des travelots, hein, on a affaire à des gens qui veulent véritablement transformer biologiquement. Faire payer leur thérapie hormonale, éventuellement leurs opérations pour changer de sexe, etc. etc. Et je précise pour dire que, c'est souvent dans le sens homme vers femme, enfin c'est des hommes qui veulent devenir des femmes. parce qu'effectivement, dans le climat ultra-gauchiste actuel, et particulièrement aux États-Unis, dans les institutions, parce que, bon, les classes sociales inférieures, enfin, les gens qui se rapprochent plutôt du peuple, on n'en est pas encore là, mais plus tu montes dans les institutions, plus effectivement le gender, enfin, toutes les conneries comme ça, sur les homosexuels, transsexuels, le genre, c'est vraiment en train d'être appliqué, ça passe à la force, hein, dans les universités, etc., dans les écoles, là, je vois que je sais plus si c'était au Minnesota aujourd'hui, j'ai lu un article comme quoi ils allaient demander aux enfants de l'école primaire, à l'école primaire, quels étaient leurs pronoms, hein, les pronoms qu'ils voulaient employer, donc on va quand même très loin, donc c'est au niveau institutionnel, et il y a beaucoup d'hommes, parce qu'on est dans un climat effectivement gauchiste où le mâle blanc hétérosexuel représente le mâle incarné quelque part, hein, qui a tous les défauts du monde, qui a créé toutes les injustices au monde, et j'en passe, et des meilleurs. Et c'est très souvent, alors évidemment, il y a quelques cas inverses, mais très souvent, ce sont des hommes qui veulent se faire émasculer chirurgicalement, hein, qui veulent se faire couper le zob pour devenir, entre guillemets, des femmes, quoi, parce que c'est plus gratifiant, etc., etc. Et donc, on a un vrai phénomène qui est dégoûtant, mais qu'on retrouve à peu près dans tout le monde occidental maintenant, où des hommes réellement abandonnent, enfin ils en ont marre, quoi, ils jettent l'éponge, être un homme c'est trop difficile, masculin, viril, voilà. Ils jettent leurs couilles, quoi, en gros. Ah, ils jettent plus que l'éponge, effectivement, ils jettent leurs couilles et ils disent, en fait on va devenir des femmes, alors voilà, une petite opération, machin, tout ça. Bon, oui. Moi, ça, oui, c'est des choses que je ne comprends pas, mais oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, alors attendez, tu parlais de... je donne des chiffres là quand même, hein, pour qu'on sache de quoi on parle. Il y a eu un courrier dont j'ai eu connaissance qui fait état, donc d'après les prévisions faites par des observateurs sur la question justement du coût d'opération. De transition entre le statut sexuel masculin ou féminin et son inverse, de 1,9 à 3,7 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, c'est-à-dire que Donald Trump s'est vu présenter une facture de 2 à 4 milliards de dollars, en gros, pour assurer les frais de coupage de couilles et de plantage de vagins chez des dégénérés. On lui a dit, voilà, il va falloir payer ça, parce que c'est le prix que ça coûte d'être dans l'inclusivité, la diversité dans l'armée américaine. Il a dit, allez vous faire enculer. C'était d'ailleurs fort à propos. J'ai du mal à le blâmer, ce cher Donald Trump. Ah bah, c'est pas moi qui le blâmerai non plus, hein. Alors Fred disait, présenter un peu la transsexualité comme un mal occidental. C'est, ça aussi, c'est une idée reçue, mais qui est totalement fausse, hein. Les trois pays qui... je crois les qui trustent le podium de la transsexualité, c'est la Thaïlande, le Brésil et l'Iran, si je ne me trompe pas. Donc c'est trois pays bien du tiers-monde, qui ne sont absolument pas intégrés au monde occidental, quoi. Alors la Thaïlande, on peut dire qu'il y a beaucoup d'occidentaux qui y vont, mais enfin les transsexuels, c'est pas du tout les occidentaux qui ont poussé la Thaïlande. Je présente, enfin bon, peut-être que tu m'as mal compris, mais je disais pas que la transsexualité était un truc d'occidental, parce que je suis bien au courant, évidemment, pour la Thaïlande, etc., etc. C'est juste que je présentais la façon dont ça se développait en ce moment en Occident. Et en ce moment en Occident, globalement, c'est des tas de mecs qui veulent se couper les couilles, hein. C'est ça. Alors, je précise aussi une chose, une autre observation qui a été faite par des observateurs, ça a été de dire que, une fois, enfin, que le propre de troupes et de soldats de l'armée américaine et même en général de toute armée que ces troupes ont vocation à être déployées sur des théâtres d'opération de manière totalement autonome. Or, ces gens mettent en avant le fait que le traitement hormonal, les opérations, etc., par définition, empêche les individus qui s'y soumettent d'être présents sur le front quand il le faut, et donc il y a une indisponibilité qui est incompatible avec la fonction militaire. Bon, ça paraît délirant, mais il faut le préciser quand même, parce qu'aujourd'hui, une évidence, précisément, n'en est plus une. Et donc voilà, donc il y a le caractère aussi opérationnel d'un transsexuel, enfin c'est dramatique, hein, le caractère opérationnel d'un transsexuel, on en est là, ça me paraît fou, mais... On en est là en 2017, le caractère opérationnel d'un transsexuel n'est pas ici. Sans parler des histoires de suicide, etc. Alors déjà, les statistiques du suicide et autres problèmes mentaux sont assez élevées chez les vétérans de l'armée américaine. Ça, il y a des statistiques dessus. Alors si on combine les séquelles qu'on peut avoir chez les vétérans de l'armée aux problèmes spécifiques aux transsexuels, transgenres et tout le bordel qui eux aussi sont, enfin, ont des statistiques de suicide carabinés. 45% pour les transsexuels. Je n'ose même pas imaginer le résultat, enfin la combinaison, quoi. Ça serait un truc genre 90% de suicide à la sortie. Hein. Le seul point positif, c'est qu'effectivement, pour cacher des documents classés X, c'est vrai que là, il y a de la plante, quoi. Argaël, tu veux dire quelque chose? Oui, je trouve que c'est de bon augure cette décision de Donald Trump, parce que évidemment les militaires, les recruteurs, les officiers devaient être paralysés d'un point de vue moral, si on peut dire, par l'administration Obama, et que là en fait c'est un signe donné aussi aux militaires de telle façon de leur dire ne recrutez plus de tarlous, parce que là on parle des transsexuels qui voilà, c'est la face. La plus folklorique de la dégénérescence, mais il y a aussi toutes les tarlouses au sein de la mer américaine, et je pense que c'est aussi un signe qui est donné public, en plus, aux militaires, à l'institution militaire, pour dire maintenant ça suffit les conneries, on embauche des types pour aller combattre, et non pas tout et n'importe quoi pour faire une sorte de char pour la Gay Pride. Donc je pense que c'est vraiment de très très bon augure. Je crois que c'est un message fort adressé qui s'adresse à une minorité évidemment, et je pense pas qu'il y ait énormément de transsexuels dans l'armée américaine. En revanche, c'est plus inquiétant, c'est qu'il y a un certain nombre de PD qui doivent être dedans et qui ont dû être acceptés du fait des délires de l'administration Obama. Je pense aussi que c'est une très bonne chose. C'est aussi pour les PD dans l'armée américaine, ça a été pendant très longtemps, alors je sais pas ce que ça va devenir maintenant sous Trump, on peut espérer que ça change, mais c'est une politique qui a été pratiquée depuis très longtemps. Si vous vous renseignez là-dessus, bon, c'est un truc un peu de conspirationniste, alors faut rentrer dans un peu dans le Salim Levy là, mais il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus, où grosso modo on cooptait systématiquement des pervers sexuels, donc beaucoup de PD dans les positions d'officiers, enfin de commandement, etc. Simplement parce comme au Front National. Ouais, comme au Front National, simplement parce que des casseroles, des gens qu'on peut faire plus ou moins facilement chanter si on en a besoin, etc., etc. Et donc on arrive avec une chaîne de commandement qui est criblée de tarés sexuels en tout genre. Grave. Donc voilà. Et alors, une dernière chose, tu disais c'est un signal qui est envoyé. Oui, effectivement, et je pense que c'est un signal qui est envoyé au-delà de la sphère militaire. C'est un des premiers signaux qui vient des hautes autorités américaines, enfin du gouvernement à haut niveau aux États-Unis, qui dit clairement, bon, les gars, là, les PD, les trans, machin, voilà, un stop deux minutes, s'il vous plaît, là, on aura le cul. Ça fait très longtemps que ces cohortes de lobbies sexuels en tout genre avancent sans la moindre opposition. Alors, évidemment, c'était pas sous Obama qu'il y allait avoir de l'opposition, mais c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils ont un obstacle sur leur route. Donc rien que pour ça, voilà, on peut trouver ça positif. J'espère qu'il y en aura d'autres, que ça se renouvellera, qu'on arrêtera un petit peu le char là-dessus, parce que c'est vrai que ça commence à faire très très très lourd. C'est vrai, c'est vrai. Sujet numéro 3, chers amis. Alors là, c'est pas piqué des hannetons non plus. Et on arrive en France, ça va pas vous dépayser. 70 ans, militant. Roudier, Monsieur Roudier, qui avait manifesté contre les no-borders, donc ces passeurs qui défendent les clandestins, a fini sa garde à vue à l'hôpital avec le doigt littéralement éclaté. Éclaté après sa garde à vue. Alors, je vous livre tel quel, hein, donc le récit des faits par la victime. Donc on dit, on est d'accord, hein, ce sont des militants anti-immigration clandestine de la Ligue du Midi, en l'occurrence menée par Richard Roudier, hein, qui ont envahi pacifiquement, d'ailleurs, je veux dire, c'est pas violent, hein, ils n'ont pas forcé la porte, d'un local de No Border, donc de gens qui font passer les immigrants clandestins en France, au cri de non, non à l'invasion. Et voilà, ils ont déambulé dans le local, et c'est vrai, ils ont jeté des feuilles qui étaient là, enfin, ils n'ont pas cassé de matériel, ils n'ont pas violenté de personne, bon, rien du tout. La chose a été filmée, ils l'ont diffusée d'ailleurs sur leur propre page, donc c'est quelque chose qu'ils ont revendiqué. S'en est suivi une interpellation, ce qui fait d'ailleurs, enfin, c'est à mettre en contraste avec ce qui se passe avec tous les gens qui aident à l'immigration clandestine en France, vous l'avez bien compris. Alors, voici ce que nous dit Richard Roudier de sa mésaventure. Alors, rentré au commissariat pour l'affaire du local des migrants. Pour une audition libre, je me suis retrouvé en garde à vue pour la nuit, au milieu des zombies et de la crasse. Le lendemain, au moment où devant le procureur l'affaire se dégonfle et où l'un des griefs est abandonné, l'officier de police chef du dépôt entreprend des mesures vexatoires et discriminatoires à mon égard. Refus de médicaments, détournement de nourriture, refus de me laisser uriner. Devant mes protestations, il referme la lourde porte barraudée d'acier sur mes doigts, coincé dans la chambranle, et me laisse pendant 10 minutes dans une mare de sang, et refuse d'appeler les pompiers malgré les hurlements d'Olivier, donc un de ses compagnons d'infortune. Son fils, d'accord. De nombreux policiers indignés arrivent, et je suis brancardé par les pompiers. La juge des libertés qui devait me recevoir descend avec son staff dans la rue, m'entend dans le fourgon des pompiers, et me signe ma liberté. Malgré la souffrance, je n'ai pas perdu connaissance. J'ai évité l'amputation du majeur. Heureusement, après une heure d'opération, je conserverai donc mon doigt. Et vous savez où je vais le remettre. Ça, c'était la communication donc, de Richard Roudier sur sa page Facebook. Alors, il faut voir la photographie quand même du doigt de ce pauvre homme qui est véritablement mais écrasé, ouvert, déchiré, vidé de son sang même, il n'y a même pas de sang qui coule, hein. C'est-à-dire qu'il est crevé, c'est un doigt qui est crevé et ouvert. Et alors là, ça appelle plusieurs commentaires, évidemment le comportement de certains flics, et même le deux poids deux mesures entre toute cette racaille qui, de Calais, en passant par Vintimille et Nice, je nommerai d'ailleurs Cédric Héroux là-dedans, et tous les réseaux qui aident les passeurs sur tout le territoire français, et ce pauvre homme, on voit que le traitement n'est pas le même. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on se fait éclater la main, garde à vue musclée, 70 ans, tout le monde s'en fout, et de l'autre, Cédric Héroux, bon, petite garde à vue, au pire, une petite condamnation avec 3000 euros, et laissé libre comme l'air. Qui veut réagir là-dessus? Je prends les réactions. Argyle attaque. Oui, comme tu dis, c'est deux poids, deux mesures. Je pense pas qu'on fera autant de cas du doigt arraché de ce pauvre Richard Roudier que de l'anus de Théo Luaka. Faut quand même savoir qu'on a parlé de l'anus de cet Africain qui a soi-disant été violé à coups de matraque à longueur de journée pendant des semaines. Bon, là, on a une photo du doigt, hein. Effectivement, il est quasiment arraché, comme tu le décris. Et bon, heureusement, on n'a pas eu de photo de l'anus de Théo. Mais franchement, je trouve que là, on a affaire véritablement à un cas de violence policière. C'est absolument évident. Et hélas, on trouve au sein des forces de police, on trouve des types qui font du zèle parce qu'ils sont particulièrement haineux, parce qu'ils sont soumis à l'idéologie dominante et également partie prenante de cette idéologie. On a beaucoup au sein de la police, on a un peu comme dans toutes les professions, il y a un peu de tout, principalement des gens qui ont beaucoup à faire à l'immigration afro-maghrébine, qui sont quand même lustres dans la question, mais on a aussi des pourritures gauchistes, heureusement minoritaires, en tout cas pas dans la hiérarchie, hein, parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de saloperies, en particulier des francs-macs, mais on a des types qui font énormément de zèle, et donc là, le type s'est un peu déchaîné, on a fait peut-être même un peu trop, parce que quand bien même il s'agit d'un militant nationaliste, il y a quand même, on est quand même dans encore un petit peu dans un état de droit, et à mon avis, il y a des possibilités de faire quelques recours contre cet enfoiré qui pourrait se faire remonter les bretelles. Alors évidemment, si il avait fait ça à un militant d'extrême gauche ou à un militant ou à un migrant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui. Là, sachant qu'il a fait ça à un militant nationaliste de 70 ans, bon, il n'a peut-être pas trop morflé non plus, mais il peut avoir des problèmes. Mais il est toujours possible, hein, on s'adresse aux auditeurs, que vous tombiez un jour, également bien sûr sur des types qui sont à peu près sympas et qui ne vont pas être désagréables, mais sur des tordures, hein, au sein des services de police et même de gendarmerie. Et il faut savoir que de plus en plus dans la police et même dans la gendarmerie, il y a des afro-maghrébins, et oui, on en trouve. Alors donc il y a des blancs gauchistes, mais aussi des afro-maghrébins qui prennent un certain plaisir à persécuter les nationalistes. Donc voilà, ça peut également vous arriver. Donc méfiez-vous aussi des gens qui sont censés représenter la loi et soi-disant l'ordre. C'est vrai, c'est très juste, très très très juste. Qui veut réagir sur cette histoire assez sinistre? Bon, enfin, doigt écrasé, tu sais. Non, mais c'est juste des flics qui se déchaînent en faisant n'importe quoi, alors qu'avec les bougnoules, ils ne font absolument rien, quoi. Et ils savent qu'ils n'ont rien le droit de faire, donc qu'est-ce que tu veux? Les gens qui rentrent dans la police, voilà, ils ont envie d'émotions fortes, et puis on leur dit « Non, Momo, tu le laisses tranquille ». Théo Louaka, tu le laisses tranquille, et... Donc voilà, quoi. Non, c'est trop simpliste, ça. C'est vraiment... Pour qu'un mec fasse ça, c'est vraiment un fils de pute qui ne peut pas blairer les nationalistes, quoi. J'ai déjà été confronté à un flic qui, une fois, m'a dit « Les mecs comme... T'as de la chance que je sois en uniforme, parce que les mecs comme toi, moi, je les défonce. » Le mec, il était en train de bosser. Moi, c'était à la fin d'une manifestation. Il y avait erreur sur la personne. Bon, moi, j'ai rien eu parce qu'effectivement, j'avais rien fait. Mais le mec s'est permis de me menacer. Alors, curieusement, il y avait un blanc et un antillais. L'antillais a été très professionnel. C'est le blanc qui s'est permis de parler comme ça. Ce sont des types qui ont la haine, en fait, hein. C'est parce que le mec qui en a plein les couilles du travail, parce que la hiérarchie, parce que le politiquement correct, parce que si et ça, ouais, d'accord, il peut être con, mais il va pas se permettre de faire ça, quoi. Là, c'est vraiment que le mec, il avait vraiment envie de faire chier son monde et de blesser le type, quoi. Parce que c'est pareil, imaginons, le mec, il est énervé, il a une sale journée, il referme la main, il y a blessure sans avoir eu l'intention de la donner. Bah, le mec laisse pas le père Roudier de 70 ans dans sa mare de sang pendant 10 minutes, quoi. De suite, il réagit, il prend en compte, il appelle les pompiers, voilà, c'est fini, quoi. Donc non, là, c'est vraiment intentionnel, quoi. Très clairement. Qui d'autre veut réagir sur cette situation? Personne? Non, vraiment. Violence policière, bien dégueulasse. Moi, je suis pas un anarchiste. Et en fait, je veux pas être hypocrite. Les violences policières, ça ne me dérange pas du tout quand ça concerne mes ennemis politiques. Donc, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Donc, lui, il a fait son boulot de baltringue. Je veux dire, ce flic en question, voilà, il a fait son boulot de petite pute. Hein, parce que, voilà, faut pas trop fantasmer non plus sur la profession de policier. Hein. C'est un fonctionnaire qui est juste flanqué d'un pétard. C'est pas beaucoup plus que ça dans la plupart des cas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien fantasmer excessivement. Alors, ils pensent aux brigades d'intervention, la BRI, le RAID. Bon, c'est des petites unités, hein, quand même, somme toute. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'îlotiers de merde qui vont vous foutre des PV à la con. Moi, déjà, quand je les vois, ces sous-hommes déambulés dans leurs uniformes sur le coin de la rue, il y a beaucoup de grognasses là-dedans, d'ailleurs. Pour vous coller un putain de PV, là, vous savez ce que c'est vraiment qu'une prostituée républicaine, quoi. Je veux dire vraiment, la putain de la République, c'est vraiment l'îlotière qui vient vous coller un putain de PV sur votre bagnole. C'est vraiment ça, quoi. Et vous regardez-les au physique. Alors maintenant, surtout à Paris, c'est beaucoup de la négresse, de l'antillesse de merde et tout ce genre de choses. Mais enfin bon, ça traduit quand même ça traduit un système, une ambiance, une philosophie, une direction, j'ai presque envie de dire. Bon, bah, voilà. On a parlé, excuse-moi de te couper, là, des transgenres dans l'armée américaine, mais ouais. Bon, tout a commencé avec les gonzesses dans la police et dans l'armée, quoi. Oui, alors il y a un phénomène que moi j'ai vécu personnellement, c'est dans la gendarmerie, c'est le phénomène la nénette qui a 20 kilos de trop, qui a une cuche et qui a son pétard sur le côté et qui est mal fagotée dans son treillis bleu marine, vous voyez, et qui vient vous dire et qui vous parle comme un charretier, vous voyez. Alors ça, c'est très déplaisant. C'est très déplaisant parce que, à la limite, moi, j'accepte l'autorité d'abord quand elle est légitime, pour commencer, mais bon, admettons, j'admets les formes quand les formes sont respectées. Donc quand un homme, je veux dire, un homme de la gendarmerie me dit « Voilà, monsieur, je viens vous voir pour telle raison, etc. » Bon, j'admets. Mais quand on voit un gros boudin qui arrive comme ça, mal fagoté, qui vient vous dire, avec une espèce d'argument d'autorité, « Toi, tu, machin », alors qu'à la baraque, hein, face à un type qui se tient à peu près droit, il n'y a pas un mot qui dépasse, parce que sinon ça se terminerait assez mal. Ça a tendance à rendre passablement désagréable. En tout cas, moi, ça a tendance à me taper sur le système, quoi. Et ça, aujourd'hui, ça se systématise dans la gendarmerie, dans la police française. C'est-à-dire que c'est du recrutement en masse de personnes qui n'ont pas du tout la vocation. C'est-à-dire, en fait, ils savent pas quoi foutre dans la vie. On les fout là-dedans. Beaucoup sont des femmes. Il y a une féminisation de la profession, comme dans la magistrature, comme dans l'éducation nationale, etc. Et on se retrouve confronté à ça, et là, en fait, l'ordre naturel s'inverse. C'est-à-dire que là où l'homme, naturellement, incarne la force, tout d'un coup, la femelle, portant le pétard et ayant un enculé de procureur derrière lui, ce sont les faibles, les tocards, les ratés, qui, tout d'un coup, ont les arguments d'autorité. Et là, il y a quelque chose d'abord qui va pas, et ensuite, ça donne juste envie de péter un watt complet, quoi. Franchement, ça donne envie de péter un watt complet. Moi, je sais pas comment ils font dans l'armée pour se subordonner à des pétasses. Moi, je pourrais pas. Je veux dire, j'aurais même pas envie, d'ailleurs. Même, enfin, ne serait-ce que d'y penser, déjà, moi, je remets ma démission avant même d'avoir candidaté, quoi. Mais bon, je sais pas s'il y a quelqu'un envie d'en parler, mais... le pauvre Roudier, alors pauvre Roudier s'est retrouvé dans cette situation-là, ça n'a rien à voir avec le côté féminin, mais il y a quand même ce côté-là à faire, c'est la revanche des ratés, quoi. La revanche des ratés en se planquant derrière l'institution. Ah oui, mais je suis couvert, vous voyez. Et de plus en plus, ça se couple, et ça va se coupler de plus en plus avec la confrontation raciale et sexuelle. Donc les femmes, j'en ai parlé, mais raciale de plus en plus. Hein. Donc des métèques qui vous prennent à partie parce qu'ils sont en uniforme. Hein, voilà. C'est ça, ça vient, ça. Et qui veut réagir là-dessus? Je prends les réactions, là. Bah, moi, je pense que la raison pour laquelle il n'y avait pas trop de réactions un peu plus tôt, c'est vraiment que... Enfin, je pense qu'on est un peu tous désabusés là-dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui fera exception, mais qu'est-ce qu'on attend des... Enfin, question. Qu'est-ce qu'on attend de la police en France? Est-ce que quelqu'un en attend quelque chose? Non, c'est pas d'en attendre quelque chose, c'est en fait... d'être soumis... À part de la merde, hein, attention. Non, c'est d'être exposé à la prédation de tocards, de dégénérés, de ratés, de bonnes femmes, de métèques, de peigne-cul qui ont fait des diplômes, que ce soit dans la magistrature ou ailleurs, qui font subir aux populos leurs desiderata et leurs envies de sévices, quoi. Je veux dire, combien de temps ça va durer, ça? Alors moi, je voudrais apporter un petit bémol, quand même, au tableau... catastrophique que vous faites de ça existe, police. Hein. Bon, la magistrature, oui, mais voilà, la police, il y a quand même, la gendarmerie, il y a quand même une bonne quantité de braves gars, de braves Français de souche. En revanche, il ne faut pas s'attendre au moindre ferment révolutionnaire au sein de ce corps de fonctionnaires, voire même de militaires, pour ce qui concerne les gendarmes, que dans le corps, dans la corporation des boulangers, ou dans le corps de la fonction publique, des assistantes sociales. Voilà, ce sont des fonctionnaires qui, pour la plupart, feront le même boulot, et parfois pour certains, à mon avis, peut-être avec un peu plus de zèle, avec un gouvernement nationaliste. Je suis persuadé que la majorité des flics se satisferont d'un gouvernement nationaliste et feront du boulot avec un certain zèle, comme ils l'ont fait à travers l'histoire, quels qu'aient été les gouvernants. Donc, faut pas s'attendre à ce que la police devienne les policiers deviennent des militants politiques révolutionnaires en notre faveur. En revanche, il faudra s'attendre à ce que la plupart continuent à faire leur boulot sous les ordres d'un gouvernement nationaliste. Donc, faut pas attendre d'eux que ça devienne, c'est comme faut pas attendre des militaires que ça devienne des leaders d'opinion au sein de l'armée. Ça, c'est une espèce de vision gauchiste, je trouve, même qu'on a au sein du milieu nationaliste, où on se dit, voilà, faut des militaires qui s'opposent, qui refusent de combattre pour aller contre l'impérialisme en Afghanistan, ou je ne sais quoi encore, ou les guerres sionistes, je ne sais où. Pareil pour les policiers, faudrait en faire des têtes de gondole de la révolution nationaliste. Non, faut arrêter, c'est pas les policiers qui feront la révolution nationale à la place des nationalistes. Donc ça, faut bien se le mettre en tête. C'est sûr que ce sont des corps qu'il faudra épurer. Alors le corps de la magistrature faudra l'épurer à 95%, mais je pense que le corps de la police nationale faudra en virer, à mon avis, 20%, et que le reste, on les mettra ou pas, et beaucoup d'entre eux feront le boulot avec un plus grand plaisir qu'aujourd'hui. Oui, non, mais d'accord, mais moi, ce que je disais, c'est pas ça. C'est pas que la police fasse son boulot. C'est que maintenant, il y a des bonnes femmes, des tarés, des métèques, de plus en plus, et que ces gens-là font passer, si tu veux, leur pulsion et leur intérêt personnel, leur sensibilité personnelle, avant la mission première de ces institutions, ou de ces corps d'État. Et c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que mais fondamentalement, et moi je reviens à ma marotte, c'est-à-dire que je suis radicalement opposé à la présence de femmes dans la gendarmerie quand il s'agit de d'unités opérationnelles sur le terrain. Mais radicalement opposé. Et c'est pareil pour l'armée. Je suis d'accord avec toi pour vous dire, j'ai une anecdote, j'ai été contrôlé par des gendarmes, donc il y avait un type qui ne devait pas être bien vieux, et deux gendarmes, et elles avaient des, je sais pas si c'est des FAMAS qu'ils ont, enfin, elles avaient des mitraillettes. Écoute, c'était ridicule. On aurait dit deux gamines, je sais pas si elles avaient 20 ans. On aurait dit deux gamines déguisées avec une arme qui était trop lourde pour elles. Écoute, c'était ridicule. Je me suis dit, mais il se passerait n'importe quoi. On aurait été des djihadistes dans la bagnole, mais les mecs, moi aussi, ils auraient été déstabilisés parce qu'ils auraient été morts de rire. Mais la gamine avait du mal à bouger avec sa mitraillette. Enfin, c'était ridicule, quoi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut les retirer, en tout cas, du terrain. Qu'elles soient dans la gendarmerie, d'accord, mais retirer du terrain. On avait vu, d'ailleurs, dans le Var, il y avait deux gendarmes, deux gendarmettes, si on peut dire, qui avaient été interpellés un type chez lui, dans le Var. Et le type, c'était un arabe taré, qui leur avait piqué leur arme et qui avait flingué la première donc chez lui. Il avait poursuivi l'autre qui ne s'était pas servi de son propre arme, qu'on ne lui avait pas piqué, et elle s'était planquée sous une voiture, et le type était venu l'abattre. Donc voilà, il faut savoir qu'elles sont inaptes en cas d'action, dans l'action, la plupart des femmes sont inaptes, en plus des femmes entraînées, qui étaient des militaires et qui savaient se servir de leur flingue. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut les retirer du terrain, et dans la police, et dans la gendarmerie, et dans l'armée. Ça met en danger, en plus, le reste des troupes. N'importe quel type qui est dans l'armée, qui a fait l'armée, pourra te dire qu'une femme, c'est un danger en cas d'action sur le terrain. C'est pas qu'une question de... Enfin, le problème, de toute façon, c'est les élites qui ont décidé que, pour question de politiquement correct, entre autres, il fallait féminiser les forces armées, hein, les faire représenter la France dans sa splendide diversité. Et je peux te dire qu'il y a des gens qui sont envoyés en mission sentinelle en France. Ce sont des femmes qui, entre autres, n'ont absolument pas le niveau nécessaire pour savoir manipuler une arme à feu avec assez de rapidité, de précision, de contrôle et compagnie. Mais malheureusement, ça s'applique aussi aux jeunes hommes. Hein, parce que des fois, en sentinelle, tu as des gens, ils ont 18 ans, ils sortent à peine du lycée, ils font 55 kilos, et puis on les envoie en mission avec les mecs d'actifs parce que... Parce que les forces armées sont complètement exsangues, les mecs en peuvent plus, ils en ont marre de se taper du Vigipirate, ça fait 6 mois qu'ils sont pas rentrés chez eux, ou alors il y a des soucis à tir l'arigot. De toute façon, ce pays se tire une balle dans le pied, on le sait très bien. Et la question, elle est aussi également que, sortie des forces de police qui déjà, c'est bien connu, ne sont pas, pour la grande majorité, suffisamment formés. Tu vois, par exemple, les flics, ils tirent quoi, allez, une cinquantaine de cartouches par an, s'ils n'ont pas envie de... Enfin, d'un point de vue institutionnel. Hein. C'est-à-dire, après, si les mecs s'inscrivent dans un club de tir et qu'ils vont tirer personnellement sur leur propre denier, c'est autre chose. Mais déjà, les types ne tirent pas assez. On est quand même un peuple, si tu veux, qui n'a pas cette volonté de se défendre, hein, individuellement en tant que citoyen, comme on peut le voir aux USA, quoi. Donc, non seulement on n'a pas ça en nous, mais en plus on est protégé soi-disant par des gens qui sont quasiment inaptes, quoi, parce que quand t'as des gonzesses de 90 kilos qu'on envoie en sentinelle, ou alors t'as des gonzesses qui sont entraînées à rien du tout, mais qui sont juste là parce qu'elles permettent de combler un trou ou de se faire combler le trou. Bon, mais quoi. C'est une formule intéressante. Bon, les amis, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour les deux débats de la semaine. À tout de suite, chers amis. Nous revoici, chers amis, pour cette deuxième partie de notre émission Démocratie participative, saison numéro 2, épisode 28. Je suis content d'être avec un panel très distingué pour discuter, cette fois-ci, cinématographie. C'est pas tout le temps. Mais je me suis dit que ça valait la peine d'en parler, ça valait la peine de discuter cinéma, parce que somme toute, le cinéma, bah, c'est la culture populaire, hein. Ça irrigue... C'est la minute culture, là. Minute culture populaire, c'est aussi une minute politique, puisque quand même, il y a beaucoup de messages qui sont envoyés aux gens et au grand public sans qu'ils ne s'en rendent compte, des messages à caractère politique, idéologique, et qu'il est parfois nécessaire de les décrypter pour un petit peu les sauver du marais ambiant. Alors, le débat, on va commencer cette première partie avec Luc Besson. Alors, Luc Besson, c'est le je vais pas étaler mes préférences, mais disons que c'est quand même quelqu'un qui incarne quelque chose d'assez français, un goût quand même pour la métécocratie très très très prononcé. C'est quelqu'un qui aime la mélanine, c'est aussi quelqu'un qui visiblement aime le caca, qui aime le faire savoir, et puis surtout qui aime faire caca à l'écran, hein. C'est paraît à peu près clair, mais quelqu'un qui par ailleurs a toute l'arrogance qu'on peut lui prêter a priori, et qui estime qu'il fait de l'art, du grand art, j'allais dire du 7e art. Alors pourquoi lui, pourquoi maintenant? Bah, il vient de sortir un film qui s'appelle Valérian et les mille planètes, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, Valérian et la cité des mille planètes. Alors, gros problème pour notre ami Luc Besson avec cette dernière sortie, puisque c'est un flop énorme compte tenu des ambitions qui étaient les siennes. Alors, il faut savoir que Luc Besson gère la maison de production EuropaCorp, qui, comme son nom l'indique, avait pour ambition de devenir la plus grande maison de production européenne, une espèce d'Hollywood européen. Et ça n'est bien évidemment jamais arrivé, et pour cause, avec quelqu'un comme Luc Besson à la tête, ça risquait pas de se produire. Et alors, en fait, c'était un petit peu le film de la dernière chance. C'était une super production, des moyens colossaux. On parle de 200 millions de dollars pour ce film de science-fiction. Et en fait, ça a été de la sous-performance sur de la sous-performance. Alors, comment dirais-je, c'est un film qui a été exposé dans 3553 salles, vous saurez tout. Ça a commencé aux États-Unis et pas de bol, ça a été diffusé en même temps que Dunkerque, un film de Nolan, qui a été réalisé pour à peu près 150 millions de dollars. Donc on est sur 25% de moins. Or, le film a généré, je crois, aux alentours de, me semble-t-il, le film de Nolan a généré 43 millions d'euros la première semaine. Donc ça a été un très bon succès cinématographique en salle la première semaine. Et pour ce qui concerne Valérian, un désastre, 17 millions. Donc 25% de plus, c'est même pas moitié moins de profit, hein, c'est presque un tiers des profits réalisés, c'est vraiment pas bon. Et je me suis dit, bon bah écoutez, parlons un petit peu de Luc Besson, parlons un petit peu de ce bonhomme, de ce réalisateur qui a des prétentions, mais qui n'atteint pas ses prétentions, mais qui a quand même un message à nous donner. Je sais pas si quelqu'un a vu, parmi vous, quelqu'un a vu le film Valérian? Je crois pas, hein, me semble-t-il que non, et je ne le recommande pas, mais bon, quelqu'un l'a vu, non? Personne? Frédéric, toi, t'as entendu parler de ce film? Je ne me suis pas encore sacrifié pour ça, désolé. Hein, Est-ce que t'as entendu parler du film, ne serait-ce qu'en... Oui, j'en ai entendu parler, j'ai entendu dire que c'était décevant, même pour des gens qui étaient quand même des fans de science-fiction et qui étaient plutôt bon public, donc je pense que ça doit être raisonnablement de la merde. Ouais, c'est ça, alors bon... Ouais, je vais pas comment dirais-je, m'étaler sur l'histoire de ce film en particulier. Mais disons que globalement, en fait, les mille cités, comment dirais-je, la cité des mille planètes, en fait, c'est en gros c'est la planète Terre autour de laquelle s'agrègent d'autres Tous les métèques de l'espace. C'est ça, exactement, voilà. Tous les métèques de l'espace s'arrêtent, des races improbables. Et au bout d'un moment, rentre en contact avec une race parfaite qui vit en communion avec la nature. Se produit un clash. Je vais très très vite, hein. Se produit un clash. Bon. Et on apprend que cette race parfaite, vivant en communion avec la nature, a été génocidée par l'homme, mais l'homme blanc en fait. Hein. Et qu'elle a malheureusement subi un génocide de 6 millions d'individus. C'est triste. Ah ! Voilà. Et qu'il y a quand même un travail d'humilité, d'excuses et d'humilité à produire. Et donc, c'est un petit peu tout le fil hein, de ce film. Bon, je vous invite, ceux qui veulent le voir peuvent aller le voir. Et ouais, l'homme blanc a encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà, il a osé le chiffre magique, quoi. Je trouve ça hallucinant. Ah, il a osé, ouais, il a osé. Parce que justement, pour le con lambda, c'est le chiffre qui déclenche tout, quoi. C'est-à-dire que génocide, 6 millions, ça y est, c'est bon. Ah merde, en fait, c'est un film sérieux, il y a du fond, tu vois. Ah, puis la communion est avec la nature chez les juifs, c'est connu en plus. Ouais, c'est connu, ouais, ça marche très très bien ça. Alors en fait, j'ai pas envie de m'attarder sur ce film là que vous verrez ou découvrirez, je n'en sais rien. J'ai quand même envie de préciser que Dunkerque, qui s'est arrangé avec l'histoire, a fait donc un bien meilleur chiffre au box-office en étant très réaliste finalement. Mais surtout, pour Luc Besson, c'était un petit peu un pari parce que EuropaCorp est complètement ruiné en fait. C'est un truc, je crois qu'ils ont un déficit, alors là je suis pas très sûr, je crois qu'ils ont un déficit de 150 millions d'euros, je crois, entre 120 et 150. EuropaCorp, dont le siège est en Seine-Saint-Denis. Hein, c'est ça, voilà, on va y venir. Mais ils ont un déficit qui est plus important que leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez impressionnant, quand même. Je veux dire, faut quand même y arriver, quoi. Je veux dire, ils ont un déficit énorme. Alors, Luc Besson, c'est là que je veux y venir, en fait, c'est l'œuvre du mec. Donc il tente, bon là vous avez compris quoi, il tente son coup de poker avec une super production, il met tous les moyens, etc. C'est un film qu'il a préparé depuis je ne sais combien de temps, en se disant ça y est c'est bon, je vais rafler la mise, je vais, c'est maintenant ou jamais, quitte ou double, mon studio va être crédité au niveau international où je me plante, si je suis crédité je vais recevoir des commandes, etc. etc. Bon bah vous avez compris la conclusion. Mais maintenant je veux discuter du fond du cinéma de Luc Besson. Parce que ce type a quand même irrigué la culture française et est considéré comme un des plus grands réalisateurs français, genre, que ça vous plaise ou pas, c'est quand même la réalité. Ce type a irrigué la culture populaire française depuis, allez, combien de temps? 20 ans? 25 ans? Enfin, 25 ans, facilement. Hein. Il a fait quand même des films... bon, allez, Le Grand Bleu, qui veut s'exprimer sur Le Grand Bleu? Je pense que c'est un film qu'on peut respecter quand même, globalement. Hein, c'est un beau film. Je veux dire, je pense que ça a marqué une génération, c'est pas complètement usurpé. C'est un beau film. C'est ça, il fait son entrée en matière avec Le Grand Bleu. Ça parle de l'océan, des profondeurs de l'océan. Il y a des belles images, je veux dire, c'est bien filmé quand même. Il y a un drame, bon. C'est un film qui avait marqué les années 90, je pense. C'est pas usurpé, t'as bien raison de le dire, Porovitch. Après, il a évolué vers Nikita déjà. Qui a vu ce film Nikita? Je pense que vous l'avez vu. Non mais là tu oublies Léon, le professionnel, Léon. Ouais, il y a Léon, mais Léon et Nikita, en fait, ça fonctionne presque ensemble, en fait. C'est deux films qui oui, fonctionnent. Oui, c'est un petit peu le même film avec la petite pute dans Léon, etc. Enfin, c'est d'ailleurs incarné par la jeune Nathalie Portman, Nathalie Juifman. Non, Léon aussi, très beau film, très émouvant. Moi, c'est un film qui m'a marqué. Mais quand très incestueux. Oh, ça se renifle hein, quand même. Non, dans Léon, il y a un truc bizarre. Ça, je veux dire, on peut être un cerveau un peu délirant, mais quand même, tu vois, c'est vrai qu'on pourrait se dire non, il protège la petite et tout. En fait, le mec, Léon, qui est joué par Jean Reno, est un peu autiste en fait. Hein. En gros, quoi, c'est un type solitaire, qui est asocial, qui a pas de relation vraiment, et. Mais qui se retrouve paradoxalement à protéger un être assez fragile. Donc c'est... Bon, en fait, Besson utilise une ficelle qui est assez vieille. C'est qu'en fait, tu mets vraiment deux personnages antagonistes, et tu vois ce que ça donne, en fait. Donc tu prends un tueur de sang-froid professionnel, et tu prends une jeune fille qui est, comment dire, qui a vu ses parents assassinés devant elle, je crois, par un flic complètement taré. D'ailleurs, ça se revoit toujours dans le cinéma de Besson, c'est des trucs complètement délirants, dégénérés, mais malsains. Oui, il aime le caca, c'est vraiment ça. Malsain, hein. C'est vrai. C'est vrai, pas très appuyé dans Léon, je veux dire. C'est pas non plus ce qui va te sauter tout de suite au visage. Attends, la scène où il y a le flic, qui est joué par quel acteur d'ailleurs ? Extraordinaire acteur, j'adore ça. Gary Oldman. Voilà, qui est un absolument fabuleux. Mais justement, qui est très courte, mais qui est filmée. Alors là, on peut rien dire. Hein. C'est filmé de façon très, très propre. Mais c'est d'une violence. Je veux dire, bon voilà, la gamine, elle voit ses parents tués devant elle, voilà. Et tu te dis, voilà, donc il la traumatise. Bon, admettons, bon, pourquoi pas, je veux dire, bon, pour les besoins de la narration, l'histoire et tout, une fille traumatisée, il veut faire ressentir le trauma chez la gamine, d'accord. Mais en fait, on comprend qu'il y a autre chose derrière dans les autres films. Parce qu'on pourrait se dire, sinon, bah non, il a vraiment voulu faire ressentir ce que le personnage, enfin, ce que la gamine ressent à ce moment-là. C'est quelque chose d'extrêmement brutal, extrêmement violent, très froid en même temps. Dans l'exécution, ça va très très vite. Et on se dit, d'accord, pourquoi pas. Et c'est vrai que Léon, ça tient la route. C'est-à-dire que c'est bien exécuté, c'est bien filmé, les acteurs sont là, c'est assez condensé. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve que c'est un film qui aussi a marqué les années 90. C'est un bon film, je pense. Je crois pas qu'il y ait tellement de critiques là-dessus. Ah, mais il a des choses à dire pour son premier film, son deuxième film, peut-être encore son troisième. C'est-à-dire qu'il balance tout au départ. Et en fait, après, ça ne fait que péricliter. C'est le mec qui, voilà, quoi, ça s'effondre. Il a plus rien à dire. Il fait du politiquement correct et ça devient carrément de la merde. Mais effectivement, au début de sa carrière, il a fait quelques films. Vous voilà, savez, on focalise sur Besson. Mais on pourra dire la même chose de Tarantino. Hein. Oui, mais Besson, c'est du cinéma français, n'est-ce pas ? Mais non, justement. C'est peut-être le plus américain de tous les Français, parce que lui, il a osé faire des films d'action, justement. Alors que le cinéma français, bon, c'est les petits dramas du bobo parisien, ces histoires d'amour, de cul. Et pour ça, j'ai aimé Besson, c'est d'avoir fait quand même, sorti de ça, et fait des films populaires. Oui, non, mais c'est vrai que Besson, en fait, c'est pour ça qu'il est aimé en France, c'est que, mais t'as raison, hein, il surnage dans le caca français. D'ailleurs, oui, c'est vrai, c'est exact. Non, mais c'est, bon, après, ça n'empêche pas le reste, hein, mais effectivement, par rapport à l'univers cinéma français moderne, parce qu'il faut bien rajouter, voilà, c'est sûr que, oui, il a essayé de faire des trucs un petit peu populaires et moins chiants et moins lourds que la moyenne, mais il faut quand même aimer. Donc oui, donc c'est en fait Porowicz que Besson a essayé en fait de faire un cinéma, on va dire, un cinéma aux normes occidentales, on va dire, normes qui sont quand même posées par l'Amérique, et donc il a acté d'une supériorité, on va dire, stylistique et scénaristique américaine, et il s'est dit voilà, si le cinéma français veut exister, en gros, faut agir dans ce format-là, en ajoutant peut-être des acteurs français ou des histoires ou des scènes ou des lieux françaises, quoi. Français ou françaises. Et bon, la démarche n'est peut-être pas inintéressante totalement, hein, je veux dire, pourquoi pas, après tout. Faut quand même, je veux dire, il faut relever ça, parce que dans un... Moi, je connais pas parfaitement le milieu du cinéma français, mais j'ai l'impression que c'est un milieu quand même très conformiste, un milieu qui est un peu gangréné par les subventions. Donc où les gens prennent pas de risques, où on fait toujours les mêmes films. Et lui, bon, il a un peu brisé les codes, il a quelques bons films à son actif. C'est pas forcément sur lui que j'ai envie de plus de chier, en fait. Ah non, mais si tu le prends par là, sur lequel on a plus envie de chier. Mais quand même, en fait, ça commence à se... Je pense qu'il a vraiment joué un rôle très important, en fait. Parce que ensuite... au tournant des années 80... fin des années 90, en fait... il passe du grand bleu quand même, faut quand même comprendre ça. Il passe du grand bleu où on est quand même sur l'histoire en fait d'un individu solitaire face à un absolu qui est en fait la profondeur des océans qui essaye de se dépasser et qui n'y arrive pas, à Taxi. Où là, c'est le pognon. Le pognon, et le pognon comment ? Et surtout, le pognon avec qui ? C'est le pognon avec les bougnoules. Le bougnoule et les nègres, c'est quand... Mais il a la finesse, comment dirais-je, du mec qui démarche, tu vois, qui analyse le marché, quoi. Et je crois pas que c'est lui qui l'a fait, mais je pense qu'il a démarché des gens, et il a dit, là, il y a vraiment quelque chose à prendre, quoi. Donc, NTM fait des ravages à cette époque-là, dans les années 95, sur Skyrock. IAM faisait des ravages déjà au début des années 90. Donc c'est la grande époque où on va retrouver, on va commencer à voir Jamel Debbouze aussi. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. C'est vraiment c'est magnifique quoi. C'est des bougnoules un petit peu partout. Voilà, on est super amis avec les bougnoules, c'est nos copains et ils conduisent des taxis effectivement. Le début de l'âge d'or. Et là, en fait, comment dirais-je, donc il y a bon tout ça existe. C'est déjà sur Skyrock. On a à l'époque, hein, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Comment il s'appelait ce mec là sur Skyrock là qui a fait beaucoup de travail de destruction là. C'est pas Koé, hein, du tout. Hein, c'est pas Koé. Guillaume Faye. Non, parce que Faye était dans l'époque de la radio où c'était rock. C'est pas Maurice. Non, c'est pas Maurice. Maurice, c'était le moins con toute la clique. C'est D-Fool, non ? C'était D-Fool, voilà. D-Fool, alors lui, c'est lui le grand promoteur de la négritude et de la bougnoulisation des esprits à ce moment-là, dans les années 94-95. Skyrock perce chez la jeunesse et il envoie de la merde. Hein. À l'époque, la fréquence était 93.4, je me rappelle très très bien. Et alors, il balance. Et là, tout d'un coup, des gens qui étaient inconnus du grand public, hein, je veux dire, des groupes complètement obscurs dans les bas-fonds de la Seine-Saint-Denis, dans les bas-fonds de Livry-Gargan, etc., Évry, etc., sortent et tentent leur chance, quoi. Et ça fermente. Bon, évidemment, les plus connus, c'est NTM et compagnie, je vous fais pas un dessin. Mais là-dessus, Besson se dit, ah, là, il y a un truc, ça rapporte du pognon, ça. Et il sort Taxi. Et Taxi, là vraiment, dans le cinéma français, c'est pas... parce que en fait, c'est là. Après Taxi, il y en a eu je sais pas combien de films comme ça où tu prends un bougnoule de banlieue ou un nègre de banlieue et tu en fais un héros sympa pour les enfants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est... et puis c'est le métèque cool quoi. Tu vois, il dit cool. Ouais, c'est ça. C'est un concept qui a été après réutilisé. Et donc, c'est Samy Nasseri qui, là, fait un hit absolu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il porte le maillot de l'équipe de France de football. Black, blanc, beurre. Vous voyez, les codes sont déjà là. Hein, rappelez-vous de ça. C'est-à-dire que Samy Nasseri, dans le film, si ma mémoire est bonne, hein, je peux me tromper, mais si ma mémoire est bonne, dans le film, il a son maillot de l'équipe de France, etc. Voilà, donc le truc est bien marqué. Voilà, on est chauvin, mais on est chauvin à la française, mais à la française revue et corrigée. Hein. C'est-à-dire que c'est la banlieue, quoi. Qui veut me parler de ça, justement, de cette ambiance taxi, de cette ambiance banlieue ? Ce n'est même pas n'importe quelle banlieue qui choisit, c'est la banlieue marseillaise. Hein. Ce n'est pas la banlieue parisienne, c'est la banlieue marseillaise qui choisit. Qui veut rebondir là-dessus ? Qui veut me... voir à déborder sur un autre film hein, de Luc Besson, c'est pas un problème. Hein. C'est... Moi, je commenterais bien, mais c'est une période que j'essaye d'oublier, donc... dis quand même le truc. Ah ben mais j'ai rien à dire, c'est-à-dire j'essaye de faire comme si ça ne m'était jamais arrivé, comme si je n'avais jamais entendu ces gens à la télé, à la radio, comme si je n'avais jamais vu ces films. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Rappelez-vous, non mais pour voir qu'il y avait quand même une trame racialiste bien comprise, c'est que dans Taxi 1, le métèque Samy Nasseri à Marseille se confronte à des Allemands qui roulent en BMW dans une Peugeot. Hein. Oui, c'est les nazis qui sont là. Enfin, il faut se battre contre les nazis pour aider le genre idéal bougnoulique, en fait. C'est ça. Je crois qu'il y aura un épisode aussi avec les Japonais. Ils étaient un petit peu en bout de course, alors ils ont recyclé les Japs. C'est surtout que les Japonais étaient les alliés des nazis. Donc c'est normal, tu vois. Effectivement, voilà. C'est ce que je dis. Alors, on en est à 4 numéros de Taxi. 5. Hein, oui, mais enfin, là, je crois qu'il est en cours de réalisation, là, je crois. Ah. Avec un peu de chance, Samy Nasseri va crever pendant le tournage du Cirrhose du foie, parce qu'il est bien attaqué quand même, le garçon. Il n'a pas été pris, et là aussi, j'ai envie de faire un petit aparté, c'est-à-dire que Il n'a pas été pris pour le 5, normalement, enfin, sauf s'ils l'ont recyclé. Et le mec est tellement rongé par la cam, parce qu'en fait, Sami Naseri n'a fait qu'un film, c'est Taxi. Sami Naseri n'a fait que ce film-là. Je veux dire, et Indigène. Mais même pas, non, mais même pas. C'est-à-dire, Indigène, ça n'existe absolument pas à côté de Taxi. C'est-à-dire que ce type n'a fait qu'un film. Son nom a été connu à partir de ce film-là. Ça a été, en fait, le visage d'une génération de beurre qu'a cherché en fait, à familiariser et à rendre populaire le système cinématographique, le système radiophonique, je vous en passe des meilleurs. Mais le problème, c'est que ce mec-là, à la différence de Jamel Debbouze, c'est que le type avait un penchant pour la cam dure. Alors que Jamel Debbouze, un peu moins, quoi. Et le manchot de trappe a fait carrière, hein, tandis que Sami Naseri, lui, il a fait les ponts, pratiquement. Hein. C'est pas la même chose, il a perdu des dents, même. Je vous invite à regarder des belles vidéos sur Internet, où on le voit se faire relâcher de garde à vue avec les dents en moins, c'est assez sympa, quoi. Enfin, maintenant on en est à 4 numéros, ils en sortent le 5e, et quand on fait 5 films sur quelque chose, c'est qu'il y a un filon, il y a une expression, il s'est passé quelque chose, quoi. Je parlais de Jamel Debbouze. Luc Besson, il nous a fait Angel A. Ah oui, oui, oui. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu l'affiche, ça m'a suffi, voilà. J'ai vu Jamel Debbouze avec une sorte d'héroïne, je ne sais quoi. Et bah, une blonde d'Europe de l'Est, top modèle. Et en fait, c'est la Belle et le Clochard, quoi. C'est-à-dire que Luc Besson n'invente jamais rien, et le peu de choses qu'il met dans l'histoire, c'est toujours du caca cosmopolite, pro-bamboula et pro-nègre. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand je parle de Taxi... Et de l'insistance, parce que je me rappelle d'interview de Luc Besson, dans lequel on lui parle de Sami Naseri. C'est systématiquement Luc Besson qui est parti repêcher Sami Naseri dans le caniveau pour essayer de le remettre en avant. C'est vraiment... Le type, il a une empathie, un amour pour les bougnoules et les nègres de banlieue qui dépassent l'entendement. C'est maladif, quoi. Il a besoin de ça. Et en fait, il n'a buté sur Sami Naseri qu'à partir du moment où Sami Naseri n'est simplement plus professionnellement employable. Et on ne peut plus utiliser Naseri, quoi. Pour des raisons, en fait, médicales. Le type ne tient plus debout, quoi. On ne peut plus l'utiliser. Et là, en fait, Luc Besson a reconnu sa défaite. Mais il a fallu 4 films. Et à chaque fois, c'était pour remettre du cash dans la tirelire de la monnaie de Sami Naseri. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vais t'aider, mon petit bougnoule, je vais te remettre là. C'est tellement symptomatique de l'ambiance française, quoi. Je vais aider le petit arabe qui a pas de bol, alors que le mec est un putain de raté fini, et il le sera toute sa vie. Et on a toujours le bon gros connard, tu vois, pour venir cracher au bassinet et essayer de sauver ce sac à merde, quoi. C'est quand même impressionnant, hein. Et Angel A, c'est ça. Mais le message envoyé, c'est « Allez, allez, je vais quand même souiller une blanche. Allez, je vais quand même souiller une blanche. Allez, je prends Jamel Debbouze, pourquoi pas. Tu vois. Jamel Debbouze, le manchot de trappe, hein, qui a perdu sa main quand même en poussant un mec sous un RER. C'est quand même pas très agréable. Bon, ce qu'il a réussi à... Enfin, silence, qu'il a réussi à négocier avec qui on sait. » Le manchot de trappe qui devient finalement le clochard dans La Belle et le Clochard, voilà, et qui accepte d'ailleurs de jouer ce rôle-là. Ça n'a été que ça pendant des années et des années, quoi. Et alors, comment dire C'est vrai qu'on peut se dire, parce que moi je me rappelle très bien qu'il y avait eu une sorte d'après et avant 11 septembre 2001 en France, quoi. C'est-à-dire que la question de l'islam. En France, avant le 11 septembre, c'était pas trop, on n'était pas encore trop en mode bougnoule islamisé, etc. C'était pas encore là. Il y avait quelques petits indices, mais on n'était pas encore dedans. Et après, alors là, c'est là que ça a lancé vraiment l'islam comme voilà agent fédérateur. Voilà, l'islam le porte-drapeau des métèques énervés, etc. Mais avant, on n'était pas encore là-dedans. Et c'est vrai qu'on a un peu oublié comme je le disais, j'ai essayé de l'oublier, cette période où effectivement on se tapait des Sami Naseri des Jamel Debbouze, voilà, des Luc Besson qui essayaient de nous vendre des bougnoules Père Noël ou je ne sais pas quoi, et c'était absolument insupportable, quoi. Donc quelque part, est-ce que c'est pire maintenant avec l'islam, ou pas ? Non, je dis pas que c'est pire, mais après, si t'as eu des super, les Français ont tenté, enfin les studios français ont tenté des productions avec du Astérix, par exemple. Où Luc Besson a essayé de nous caser des acteurs invraisemblables et d'autres à la suite. Je veux dire, on a eu aussi un truc là, comment s'appelle le Marsupilami, je crois. Il y a pas eu ce truc là avec Jamel Debbouze à un moment donné. Je ne suis pas les productions qui. Ah bon, c'est lui qui a joué le Marsupilami. Non, je sais plus, mais je veux dire, je crois qu'il apparaît dans le film. T'as Gad Elmaleh aussi beaucoup. Enfin, tout ça vient de la Méditerranée. Tout ça vient quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup du Maroc. Ça vient de l'Algérie, ça vient de l'Afrique noire, c'est pas français tout ça. Hein. Et Luc Besson, avec son gros, gros, gros pognon, qu'il a emprunté évidemment chez les frères Dupont, hein, je présume, hein, évidemment, s'est dit, ouais, c'était vachement valable de promouvoir la négritude et la bougnoulité à la télévision et dans le grand cinéma. Et en fait, maintenant, il se bouffe les doigts. Parce que ça marche pas, en fait. Ça marche plus. C'est-à-dire que survendre Mohamed, le héros tout fic, le mec au cœur d'or en fait, que t'as méprisé au coin de la rue parce qu'en fait tu t'as jamais vraiment appris à le découvrir, sauf qu'en fait le type en réel, en boîte de nuit, c'est l'enculé qui te fout un coup de couteau dans le dos pendant que t'es en train de commander un whisky, tu vois. Bon, tu vois, ça a ses limites ce raisonnement quand même. Tu vois. Mais je sais pas si ça vraiment ça marche plus. Moi je me souviens de comment ce film avec Omar Sy là. Intouchable. Intouchable. Bon, c'est typiquement, ça rentre dans cette catégorie. Ça avait eu un très très gros succès. Oui, non mais d'accord. Mais il est moins... C'est vrai, t'as raison. Mais ce film-là est moins tapageur au sens... C'est moins... comment dire ? C'est niais, c'est naïf, c'est angélique, mais ça n'est pas grand public au sens où tu vas essayer de parler des enfants de 8 ans. Tu vois ? Tu vas plutôt essayer de parler des gens qui ont à peu près 12-13 ans d'âge mental, en fait. Mais quand tu fais des films comme Taxi, là, t'es vraiment au ras des pâquerettes, quand même, on est d'accord, tu vois. Ah bah, tu vois, ça s'adresse, comme tu le disais tout à l'heure, ça s'adresse clairement à un public d'Arabes et de Noirs, et qu'on revient aussi sur le sujet du QI, bah voilà, c'est le Luc Besson s'adapte au QI en baisse en France, en fait, au responsable du QI, qui fait baisser le QI de la population française. C'est, il a trouvé un créneau, et Taxi, je mets au défi tout blanc au-dessus de 10 ans, à qui Taxi peut plaire, ou alors il y a un QI proche de celui d'un Soudanais, mais là c'est vraiment un film ciblé, et la nullité du film est adaptée totalement aux capacités intellectuelles, spirituelles, humoristiques des Afro-Maghrébins. Ça saute aux yeux. Alors à un moment donné, Porovitch a fait mention aussi de Tarantino, c'est-à-dire qu'en fait on sait pas bien qui inspire qui, en fait. Je crois pas que Tarantino soit inspiré de Luc Besson, honnêtement. Je veux dire, bon, j'ai des doutes. Par contre, il est beaucoup plus probable que Luc Besson soit inspiré de Tarantino, c'est-à-dire effectivement des films grand public, passablement humoristiques, qui en même temps s'appuient sur les minorités, hein. Donc c'est-à-dire de montrer à l'écran en fait des catégories de la population qui sont censées être occultées, donc de casser soi-disant des tabous ou des archétypes dominants, et voilà, d'en faire une semoule et de la présenter au grand public. Bon, indéniablement, il y a visiblement, en tout cas, il y a des points communs, moi je les ai trouvés, et le truc, il y a un truc qui revient dans ce qu'il fait, c'est essayer de foutre un soupçon de wasabi, d'ailleurs. Je sais même pas s'il a pas fait un film comme s'il s'appelle comme ça. Je crois même qu'il est capable de l'avoir fait. Hein. Il est tellement con, il est capable d'avoir fait un film. Lui, je crois, hein. Il a fait un film qui s'appelle Wasabi. C'est pour vous dire. Voilà, il a fait un film qui s'appelle Wasabi. Donc. Mais en fait, c'est au propre comme au figuré. C'est-à-dire qu'il a véritablement pris un soupçon de film asiatique d'action, façon Jet Li, etc., pour essayer d'animer un peu sa soupe, qui, avec le couscous, avait tendance à s'affadir, en fait. Et il s'est dit, je vais créer un truc de ce goût-là. Donc, il y a wasabi, mais il y a aussi Makassi. Vous vous rappelez, mais Canal+ a servi de porte-avions à cette chiasse qu'on a appelée les Yamakassi. Les ninja bougnoules, quoi. C'est ça, les ninja bougnoules. Mais il faut pas sous-estimer à quel point ça a un impact sur la rétine des gamins blancs. Parce que c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on vous montre ? On vous montre des mecs, c'est des bougnoules. Ils vivent dans des tours. Mais les tours ne sont pas un endroit qui les enferme. Au contraire, c'est un endroit où ils se subliment. Et les types font des trucs invraisemblables avec leur corps, et tu dis, ça c'est incroyable de voir ça, etc. Qu'est-ce qui se passe ? En France, c'est possible, etc. Donc c'est des ninjas d'un nouveau genre, c'est des ninjas qu'on ne connaissait pas, c'est des ninjas maghrébins qui vivent dans nos cités. Donc en fait, nos cités, les banlieues où s'accumule la chiasse raciale, c'est pas la cuvette des chiottes, en fait, c'est le top du top du top de la société française. C'est vrai. Nos cités ont du talent. Voilà, et non, mais... Et le mec, il est totalement précurseur là-dedans, je veux dire, encore une fois. Je veux dire, je suis désolé, mais c'est un fait. Bah c'est une des têtes de pont. Hein. Il a fait le boulot, mais de toute façon, ils le font tous. Mais il a peut-être fait plus que les autres. En fait, ce qui est assez stupéfiant, c'est que ce type, en fait, avait les bonnes idées en ce qui concerne le pourrissement de la société française. Il a eu toutes les idées, il les a mis en application. Commercialement, c'est eu plus ou moins de succès. Plutôt du succès, je pense. Mais c'est pas étonnant vu le marché français. En revanche, c'est inexportable, clairement. Enfin, relativement inexportable. En tout cas, vers un public anglo-saxon. Ah, tu t'essayes de me vendre un petit ninja bougnou. Pensez pas que de mettre en scène comme ça des nègres qui sautent, y a pas une sorte de sous-texte qui. Alors, est-ce que les singes ils sautent ? Est-ce que les nègres ils sautent quand ils sont contents ? Je sais pas. Je pose la question. Je sais pas. Et là, le type, tu vois, alors bon, là, on arrive au milieu des années 2000, à peu près. Un peu avant, mais bon, disons que voilà, ça se formalise comme ça. Il crée sa grande société de production, EuropaCorp. Donc voilà, EuropaCorp, voilà, je vais produire des films pour toute l'Europe. Des super productions à l'américaine, façon européenne, c'est-à-dire façon française, c'est-à-dire façon moi, c'est-à-dire façon négro, quoi. Et là, c'est le drame, les ninjas maghrébins ne se vendent plus. Voilà, c'est ça. Et là, batatras, ça fonctionne pas, il se passe rien. En fait, il fait des franchises, lui, parce que c'est un petit peu comme un vendeur de hamburgers, il fait des franchises. Il a compris que Taxi, c'est bien vendeur auprès des bougnoules un peu demeurés, quoi. Et il s'est dit, je vais faire du Tekken. Donc c'est l'histoire d'un Américain qui arrive en Europe, qui se fait voler son truc. Alors c'est bien, parce que c'est un Américain qui vient en Europe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux toucher à la fois un public américain et un public européen. Donc tu vois... Toi, tu perçois pas du tout qu'il y a une démarche commerciale derrière tout ça, tu vois. Et alors, ça c'était dans Tekken numéro 2 avec Liam Neeson. Bon, Liam Neeson dans le numéro 2, c'est un bon acteur, quoi. Il fait le boulot, il est là, il est présent, pas de souci. Le film est relativement correct. Et très curieusement, en fait, les méchants c'est des Albanais musulmans. Et là, tu te dis, ah, des Albanais musulmans c'est les méchants avec un Américain dont la fille se fait enlever. Là, tu sens que le mec il a besoin de pognon parce qu'il veut vendre son film aux Américains. Là. Ah oui, parce que pour faire des méchants musulmans, déjà, c'est pour vendre aux Américains, c'est clair. Et alors, quand même, des Albanais, pour que ça reste pas trop basané, voilà. Évidemment. Voilà. C'est ça. Ça ne pouvait pas être, évidemment, des Algériens, des Marocains, des Syriens, va savoir quoi. C'était forcément des Européens, mais des Européens musulmans. Je me rappelle, ils ont le tatouage du croissant et de l'étoile sur la main, hein, entre le pouce et l'index. Et c'est vous dire le vice des types, c'est-à-dire que c'est, le film n'est pas créé... Parce que le type est un artiste, il a envie de raconter une histoire, il a envie de toucher un public. Bon, je suis pas idéaliste, hein, y a des contraintes. Mais lui, c'est carrément, l'histoire est totalement subordonnée au marché. Hein. Et le type vient vous faire des grands romans il vient vous faire des romans pour vendre ses films, surtout quand c'est des échecs. Je sais pas si vous avez remarqué, il accuse toujours le monde du cinéma quand ça merde. Ou alors, les Français, ils ont pas compris, ou machin, quand ça chie, c'est ça, quoi. Alors, pour en finir avec Luc Besson, parce qu'il est quand même temps d'en finir, il nous a gratifié d'une lettre antifasciste à l'occasion de l'élection présidentielle française en 2017, en avril. Je vais quand même vous en livrer un extrait, parce que ça résume tout ce qu'on a dit. Alors, ça s'intitule « Aux urnes, citoyens ». Voici ce qu'il écrit. « Je prends la parole aujourd'hui parce que je me dois de dénoncer la belle arnaque dans laquelle nous nous apprêtons à tomber. À quelle période de l'histoire et dans quel pays le repli sur soi-même a-t-il marché ? Jamais. La fermeture entraîne l'isolement. L'isolement amène le totalitarisme. Le totalitarisme mène au fascisme. Le fascisme à la guerre. 100 000 ans d'histoire sont là pour pour le prouver, et ce n'est pas la petite héritière de Saint-Cloud, donc Marine Le Pen, qui va changer l'histoire. Donc il continue ensuite en accusant le Front National de pique-pendre, et il dit qu'il faut voter comme il faut, c'est-à-dire voter Macron. Alors, qui a envie de me parler de la famille de Luc Besson ? Bah, disons qu'elle est quand même hautement mélanisée, il me semble. Non, bah dis-le clairement. Ah bah moi j'ai l'impression qu'il s'est maqué avec une sale négresse et qu'il a fait plein de petits étrons de couleurs variables. Et oui, effectivement, il est très fier de se balader avec sa cohorte, sa tribu personnelle. Alors c'est vraiment, en plus c'est vraiment ça, parce que Luc Besson a vraiment un côté un peu, enfin, vulgaire, quoi. Il présente glandu, un peu. Il a un côté crasseux, quoi. Il a un côté crasseux. Ouais. Et alors il débarque avec sa dégaine, il est gros, alors crasseux, gros, avec sa négresse et sa tribu de petits crépus, je ne sais quoi, là. C'est vraiment, enfin, chacun son truc. Et alors, je sais pas si t'as fait gaffe, sa fille qui a 14 ans, pose comme une, enfin sa fille métisse, donc qui a l'air d'une négresse, hein, pose comme une grosse pute, vraiment en bikini, avec des poses suggestives, etc. Il y a même une photo où il lui touche le cul, hein. Bah, c'est-à-dire que là, on peut peut-être revenir sur revenir un peu en arrière sur le fait que l'histoire de Léon, c'est un petit peu autobiographique. Bon, pas la partie tueur professionnel, etc., non. Mais la partie où Luc Besson se tape elle s'appelle déjà Mai Wen, n'est-ce pas, hein, l'actrice là, qui avait 15 ans à l'époque où il est passé dessus, alors que lui était déjà... réalisé je ne sais quoi, et donc c'est l'histoire d'amour qu'on a dans Léon entre le mec quand même assez âgé, voilà, dans son truc, etc., et la petite jeune fille qui doit protéger. C'est un petit peu de la projection, c'est quelque chose qu'il a probablement un petit peu vécu, hein, dans une certaine mesure. Donc voilà, qu'il habille ses petites filles en putes, et voilà, et à mettre des mains au cul, ma foi, bon, hein. Continuité, cohérence, tout ça, tout le bordel. Sujet numéro 2, débat numéro 2, bon, débat très libre, hein. Ça, c'est Frédéric Danlévier qui a voulu l'entamer, ce débat-là. C'est, en fait, sur la négrophilie intrinsèque, atavique, systématique, qui existe en France. Et pour lancer le débat, en fait, j'ai simplement pris une citation du président français actuel, Emmanuel Macron, qui a déclaré, à la faveur d'une séance de naturalisation de nouveaux Français, hein, ce sont vos compatriotes maintenant, voilà, à Orléans, la déclaration suivante, je vous la livre: la France démontre, donc, à la faveur de cette séance de naturalisation, qu'elle n'est pas une communauté de sang, mais une communauté de valeurs. Et il y a eu tout un discours, effectivement, sur les apports dans les deux sens, hein, de l'immigration africaine et de la civilisation française vis-à-vis de ces populations. Alors, Frédéric Danlévier, je crois que toi, il y a quelque chose qui t'énerve, qui t'irrite, qui te sature, c'est le fait que, finalement, en France... il n'est pas possible d'être, simplement d'être blanc, hein, c'est ça en fait. Hein. Bah, c'est-à-dire que j'ai peur que Emmanuel Macron ait raison en fait. C'est-à-dire que les Français, oui, ne sont pas une communauté de sang. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Moi, ce qui m'a frappé, c'est particulièrement sur les réseaux sociaux, et de constater que à peu près, alors je vais pas énumérer, mais à peu près tous les groupuscules d'extrême droite, alors à quelques rares exceptions, il y en a, mais que tous les groupuscules, les mouvements, gna gna gna, d'extrême droite, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, parce que bon, on a quand même de... Très large. On a quand même en France inventé l'extrême droite communiste. On l'a fait, hein. Donc, dans cette extrême droite au sens large, je ne peux que constater, même parmi ceux qui se prétendent pro-blanc, alors il y en a diverses façons, etc., qui ont toujours alors leur nègre fétiche, leur bougnoule de service, etc. Et c'est vraiment désagréable au possible, parce que quand même, quand on recherche, enfin, j'essaye d'imaginer quelqu'un qui recherche un groupuscule, un mouvement politique, idéologique, clairement pro-blanc, pro-européen, même au sens large, etc., et qui se retrouve sur les réseaux sociaux, enfin sur les sites, tout ça, enfin tout, partout où on discute, les serveurs même de discussion vocale qui existent, se retrouve systématiquement avec l'invité d'honneur, Bougnouli, qui a écouté des boucaques et des nègres déblatérer et sortir et les voir. Donne-nous des exemples concrets, on veut des exemples. Ah bah non, mais je vous. Non, mais bon, on va pas. Mais sinon, on sait pas de quoi tu parles, on voit pas de quoi. Oui, bon, bah on pourrait citer par exemple le parti national libéral de monsieur Delesquin, n'est-ce pas, qui est un grand aristocrate, a trouvé le moyen, parce que bon, l'aristocratie française. N'est pas, comment dire, ne s'est pas fait couillonner forcément par hasard, peut-être que quelque part elle a un petit peu cherché, n'est-ce pas, comme le fameux tsar hein, de la semaine dernière qui faisait des expériences, voilà. L'aristocratie française, même aujourd'hui, même quand elle propose la remigration, voilà, trouve quand même le moyen de nous flanquer dans les responsabilités, etc. Son nègre, voilà, son métis, gna gna gna, etc. Et on voit ces gens, donc, débouler comme ça, et on sent bien, je veux dire, c'est évident dans la façon dont ils s'expriment, dans la façon dont ils s'affichent, qui ne sont pas là pour défendre les Blancs, l'Europe ou quoi que ce soit, si ce n'est en tant que parasites. C'est-à-dire que c'est des gens qui, peut-être dans le meilleur des cas, aiment bien les Blancs, aiment bien l'Europe, parce que ça leur permet de parasiter à un niveau supérieur à ce qu'ils pourraient faire en Afrique ou je ne sais quoi. Mais on sent bien qu'il n'y a pas de tronc commun réel avec les Européens. Et dans le cas de beaucoup de ces gens-là, hein, y a des Maghrébins ricaneurs qui ne sont là en fait que pour s'amuser du désespoir des petits blancs qui se cherchent des frères communautaires, etc., etc. Donc c'est absolument désespérant. Je ne sais pas ce qu'on peut y faire. Je ne sais pas si le français est à jamais contaminé irrémédiablement par l'antiracisme, même dans les groupes de droite ou d'extrême droite. Je ne sais pas si un jour il sera possible d'avoir une discussion de gens prétendument nationalistes sans bougnoule de service, sans nègre de service, sans métèque improbable, sans Farid Smaï qui s'est incrusté là-dedans, on ne sait pas comment. Ça a commencé, là je parle de Farid Smaï. En fait, pourrait, ça repose sur un truc assez simple, c'est-à-dire qu'en fait... Vas-y. En fait, les Français, la France qui a été une grande puissance, jusque 1940 on va dire, ont une vision d'eux-mêmes qui est en fait décalée dans le temps. C'est-à-dire que les Français n'ont pas encore admis qu'en fait, au plan de la puissance, ils ne sont plus grand-chose. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas intégré, vraiment. Les Espagnols ont intégré le fait que l'Empire espagnol n'existe plus. Les Français n'ont pas intégré le fait que l'Empire français n'existe plus. Et donc, par tous les moyens, ils essaient de se raccrocher à ceci, à cela, vous voyez, oui, pour essayer d'exister, pour essayer de troubler le jeu, pour essayer de pouvoir agir de telle sorte qu'on puisse dire « Ah, en fait, oui, les Français existent, on les a entendus, on les a vus. » Mais c'est faux. Parce que quand on regarde en fait, la taille des acteurs aujourd'hui qui comptent dans le monde, c'est même pas la Russie. La Russie n'existe que... de manière très superficielle par son arsenal nucléaire, et c'est loin de suffire. Il y a deux grands acteurs aujourd'hui dans le monde, peut-être y en aura-t-il un troisième, mais d'abord il y en a deux, c'est les États-Unis, la Chine, peut-être demain l'Inde, je n'y crois pas trop, mais en fait, c'est de l'ordre de l'hypothèse. Mais les Français n'ont pas du tout intégré ça. Du coup, pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, pour eux, ils se disent, notre puissance nous a été dérobée, mais c'est illégitime. Et donc, ils cherchent, dans le regard de n'importe qui, et surtout de n'importe quoi, un soupçon d'amour et de considération. Et le moindre nègre Le moindre nègre. J'aime la France, j'aime la culture française, je suis très amoureux de la culture française, j'ai étudié à la Sorbonne. Ça y est, c'est bon, t'as conquis la moitié de la France, sans fusil, hein, je veux dire. C'est comme la Wehrmacht, hein. T'arrives là-dedans, trois connards, c'est pareil, quoi, tu vois, trois nègres tu vois, qui ont lu tout Voltaire et tout Rousseau, c'est bon, ils ont conquis la moitié de la France. Et là, tu te dis, il y a un problème dans ce peuple-là, c'est-à-dire qu'en fait, ce peuple n'a pas compris sa position historique, en fait. Il sait pas où il en est. Et c'est parce qu'il n'a pas fait ce boulot d'humilité qu'il se retrouve à essayer de compenser avec des demi-nègres, des carterons, des métèques qui viennent des îles, des Algériens d'opérette, j'en passe et des meilleurs. Alors, des grandes luttes, hein, des grandes luttes d'occasion, c'est-à-dire l'anti-impérialisme. Oh là là, l'anti-impérialisme. Bah, c'est ça, c'est-à-dire ce sont vraiment. Oui, c'est ce que tu dis, je pense, c'est des gens qui se sentent mal aimés et qui ont besoin, quelque part, de... Et... Quelque part, s'ils ont besoin, parce que je pense effectivement que ça joue, et s'ils ont besoin de ça, si vraiment ils sentent qu'ils ne peuvent pas faire sans, parce qu'on le voit qu'ils n'ont pas envie de se... Ces gens veulent la remigration, ils veulent la remigration massive, ils veulent la guerre civile, ils veulent les croisades, alors il y a même les catholiques, voilà, Deus vult, etc., en mode, voilà, croisade, c'est parti. Et les mecs, ils ne peuvent pas se séparer de leur pote Momo, quoi. Je veux dire, ça, voilà, ils en sont là, alors que Momo, à côté, il est là, il s'amuse, il regarde les Blancs se disputer entre eux. Au fond, ça ne lui fait ni chaud ni froid, tant qu'il peut parasiter une Blanche par-ci, un RSA par-là, il est content. Et, et c'est vrai que c'est un problème d'amour propre. Et quelque part, je me demande si c'est parce que ces gens, au fond, peut-être ont besoin d'aller chercher cet amour-propre, d'aller chercher la valeur qui leur manque dans quelque chose d'autre, dans un travail, dans un projet personnel, où ils n'auraient pas forcément besoin du regard d'un putain de nègre ou d'un putain de bougnoule pour sentir qu'ils valent vraiment le coup de se coaliser entre eux, de faire des projets communs, etc., etc. Bref, je vais en arrêter là, laisser parler quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un réel problème d'amour propre. Qui ? Je sais pas, ouais, si vas-y. C'est d'amour propre. Moi, je vois, j'ai grandi comme un républicain, j'ai grandi... Bon, déjà, honnêtement, quand tu grandis en France... Et qu'on te répète à longueur de temps que... Moi, ça commençait par ma mère, quoi. Et puis après, t'avais l'école. Et puis tu grandis avec les gens de diverses origines, quoi. Et puis on te répète que tout le monde est pareil, machin, compagnie. Quand t'es gamin, quand t'es ado, tu sais ce que tu viens de dire dans l'évier, les projets perso, le travail. Bon, quand t'es au lycée, c'est pas le moment encore, tu vois. Alors, l'analyse de Gandalf par rapport au fait que... Bon, elle peut se tenir à l'échelle du pays, peut-être. Après, du point de vue individuel, honnêtement, quand t'es juste un jeune Français moyen et que t'as grandi dans la France des années 80 et 90, et c'est pire encore après, t'es juste complètement... t'es abasourdi, t'es abreuvé tous les jours quoi, par la propagande anti-blanc, quoi. Et c'est juste que ça s'imprime sur ton cerveau, quoi. Et il faut vraiment des électrochocs. Répéter pour arriver à s'en sortir. Moi, j'avais beau penser des choses, me rendre compte. En fait, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, et ça a pris du temps, c'est le double discours, en fait, le double standard, comme on dit en anglais, quoi, de voir que moi, en tant que petit blanc, j'en prenais toujours plein les dents par rapport à des tonnes de choses, l'histoire, le passé, machin, et que les autres, on leur donnait tout, on leur donnait le bon Dieu sans confession, il fallait limite se prosterner devant eux, les laisser passer sur le trottoir, quoi. Enfin bon. Mais ça prend du temps, alors bon. Quand tu parles de double discours, je pense que c'est une chose qui peut réveiller, c'est quelque chose qu'à mon avis, il y a bon nombre de nationalistes qui n'ont juste pas encore assez subi ça, il faut qu'ils se prennent encore quelques coups de pied au cul, que la vie se charge de leur cas, mais c'est le double discours au sens de la taquia, c'est-à-dire que le bougnoule de service, ton pote maghrébin, ton pote nègre, eh ben, il est très gentil et il va participer à votre petit groupe nationaliste ou je ne sais quoi voilà, et faire des blagues avec vous. Et puis en fait, quand il se retrouve de l'autre côté avec des gens de sa race, de sa communauté biologique, en fait, il se fout juste de ta gueule. Et systématiquement, ça finit par se vérifier. Dans à peu près tous les cas, hein. Alors il y a peut-être un alien quelque part, mais qui sert juste de confirmation à la règle. Et je pense que ces gens, oui, peut-être manquent juste de coups de pied au cul, mais bon, moi je crois au problème de l'amour propre. Hein. Ce sont des gens qui cherchent quand même, ils cherchent de la validation. En fait, au fond, c'est un truc de femme, c'est un truc de gonzesse, c'est-à-dire d'aller chercher chez l'autre, ouais. Ne vient pas de toi-même, elle vient du regard de l'autre, elle vient de la considération de l'autre. C'est un truc de femme. Totalement. Je sais pas. Moi, je pense que l'explication du nationalisme, la différence entre le nationalisme à la française et à l'allemande, elle est plus viable, je trouve, parce que. Mais ça exclut pas. Mais tu vois bien. Je veux dire, en fait, c'est même pas la question. C'est pas la question du fondement. Il faut voir aujourd'hui où on est, en fait, il faut voir la situation historique aujourd'hui du nationalisme français. C'est quoi la situation historique ? Alors, je veux dire, en évacuant complètement ce que racontent les critiques habituelles. Regardons objectivement. Aujourd'hui, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a quelques jours, je vois quelqu'un qui dit, je crois que c'était Carteron, je sais pas, c'est plus ou moins un sportif nègre, qui dit il faut aimer son pays, il faut aimer la France, elle nous a tout donné, etc. Tu vois, donc c'est le nègre qui dit j'aime la France, etc. Avec un discours comme ça, un nègre il conquiert 99% des Français, 99%, et il conquiert 95% de l'extrême droite française. Pourquoi ? Non, l'extrême droite non. Si. Tu crois qu'au Front National un discours comme ça plaît pas ? Le mec il. Mais est... le Front National c'est pas l'extrême droite. C'est 95% de l'extrême droite. C'est statistique, c'est comme ça, ça plaît pas, mais c'est comme ça. Donc en fait, tu te rends compte de quoi ? Tu te rends compte en fait que la France est dans une problématique d'amour de soi, dans une problématique impérialiste, au sens où c'est une entité qui veut exercer une puissance sur des populations, sans regard pour leur race, leur origine ou quoi que ce soit, simplement le plaisir de la puissance, mais qui n'en a plus les moyens. Qui est dans une frustration, et qui est dans un manque. Et dès lors que t'as un... Et c'est très vrai, surtout avec des sportifs français, par exemple. Parce que celui-là, il a exprimé son amour pour la France, etc. Bon, voilà, il est un peu moins ingrat que les autres, bon, ça arrive. C'est un accident statistique. Mais sinon, quand t'as un bamboula, ou une équipe d'arabes, ou de crouilles, je sais pas quoi, qui gagne telle compétition, machin truc, en basket, en handball, etc., en football... Les trois quarts de l'extrême droite sont en extase. Pourquoi ? Ah oui, mais le drapeau. Voilà. En fait, c'est les symboles. Ça me fait plaisir. Ça... En fait, les types n'existent pas pour eux-mêmes. Les individus, les hommes, les êtres n'existent pas pour eux-mêmes. En fait, ce ne sont pas des êtres. Ils ne sont pas. Et comme ils ne sont pas, ils cherchent à exister par procuration. Donc quelque chose de plus grand qu'eux. Un être collectif. Et cet être collectif, c'est l'être français, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas français, c'est pas déterminé par une culture ou quoi que ce soit. C'est simplement déterminé par quelques symboles de puissance politique. Et quand il voit un bamboula qui brandit le drapeau français, il a réussi une compétition par rapport à d'autres, cet avorton-là, qui vit dans ton village, dans ta commune, dans ta ville, il se sent exister, tu vois. Et ça, c'est un des derniers stades de la mort d'un peuple, tu vois. Et c'est pour ça que des gens comme ça, il faut leur cracher à la gueule, toujours, tu vois. T'en as rien à foutre des symboles, t'en as rien à foutre... Tu t'en fous, en fait, même de ce qu'il a fait le nègre, ça se trouve, le nègre, l'arabe, il a peut-être fait une super performance sportive, y a pas de problème, tu vois. Et au plan individuel, tu le reconnais, y a aucun souci. Peut-être, mais c'est vraiment un bon boulanger. Ce que je veux dire, c'est que là, tu as affaire à des gens qui sont en train de mourir. Et qui ne se l'avouent pas, mais qui ne veulent pas relever le défi de l'existence. Parce que s'il faut relever le défi de l'existence, il faut vouloir et vouloir intégralement. Donc ça veut dire que toutes les formes d'avant, il faut s'en débarrasser. Et il faut innover, il faut créer. Il faut se dire, voilà, moi, ce système, j'en ai plus rien à péter, j'en ai rien à foutre. Etc. Je vais créer moi-même, je vais m'assumer, je vais me prendre en main, je vais être. Il n'y a personne qui veut être aujourd'hui en France. Ça ne les intéresse pas, pratiquement pas. Enfin, la grande majorité des gens ne veulent pas être. Et c'est en ça que je rejoins ce qui a été dit un petit peu avant, où on a dit en fait que c'était... que le nationalisme, c'est une espèce de truc par... Enfin, je sais pas, une espèce d'ersatz, machin, mais Nietzsche a parlé de la même chose... Enfin, Nietzsche a dit la même chose de la religion, en fait. Il a dit, voilà, en fait, quand... Voilà, la religion, c'est une espèce de volonté par procuration, quand t'en as pas toi-même. Puis quand tu perds la religion, tu tombes dans le nihilisme, et il va falloir créer un nouvel homme qui puisse vouloir, quoi, en gros. Ben, écoute, on en est là. Et quand on voit des guignols aujourd'hui... parce qu'attention, je veux dire, c'est facile. Il y a des gens qui se revendiquent du racialisme, hein, des gens qui te parlent de ceci... Et à côté, ben oui, non, mais lui, il est gentil, voilà, il a fait ses preuves dans le combat national. Non, mais la rigolade, quoi, la rigolade. C'est marrant ce que tu dis, Gandalf, parce que bon, ici, on sait tous à quel point l'individualisme forcené de la société, là, issu des Lumières et compagnie, nous empêche justement de voir cette participation au collectif, hein, que pourrait être la nation. Et finalement, c'est rigolo, parce que ce que tu dis, c'est que les gens qui se retrouvent dans le nationalisme, au contraire, n'étant rien, veulent se retrouver dans un collectif... finalement, les deux choses sont diamétralement opposées, et pourtant on arrive aux mêmes conséquences en fait. Bah, c'est le même vide, peu importe le bout par lequel tu le prennes. Ouais. Et donc, comment dirais-je, on a une caricature de nationalisme, d'ailleurs, comme on a une caricature de. Pour être absolument sincère, une caricature de communisme ou de, comment dirais-je, ou de collectivisme. On n'a pas aujourd'hui un bloc ouvrier qui a une envie de vivre et qui se dit, voilà, par ma réforme sociale, je vais pouvoir, m'emparer encore plus de ma volonté de vivre, je vais encore plus être maître de moi-même, pas du tout. C'est aujourd'hui, la gauche en France et la gauche communiste en particulier est une... un cri de guerre anarchiste absolument inaudible. C'est du moi-je permanent. Bon, mais à l'extrême droite, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement d'ailleurs, c'est des individualités perdues qui cherchent un collectif. Mais ce n'est pas la réponse. Le collectif ne peut pas répondre à la question qui t'est posée à toi. Il faut bien comprendre ça. Je veux dire, le collectif ne peut pas combler le vide que tu as en toi. Et la seule façon de répondre à ce vide-là, c'est une volonté. Et c'est ça que je veux un petit peu communiquer. Et c'est un peu ça que pose la question de Macron et le point de départ de notre discussion, qui fait réagir. Une volonté d'exister sans l'autre, sans l'autre, voilà, on n'a pas besoin de l'amener avec nous, on n'a pas besoin de sa validation, on a même besoin de s'en débarrasser, c'est une idée révolutionnaire, je le sais. Hein. Bon. En fait, c'est de partir du point de départ, c'est-à-dire, quand il dit « oui, on n'a pas besoin du sang, etc. » machin, c'est quand il dit « oui, ouais, c'est ça, je m'en débarrasse, parce que quand même, tu vois, c'est un petit peu comme, je me débarrasse du cordon ombilical, parce que vous voyez, moi j'ai un grand destin, etc. » Puis quand tu le regardes faire, tu te dis « mais vers quoi se tourne-t-il, quoi ? Vers des nègres, en boubou. » Dans la préfecture d'Orléans, tu te dis, attends, mais c'est sérieux ça ? C'est la France de Napoléon, un truc comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux dire, ce type, Macron, est une boursouflure ridicule. Ce type ne pourrait même pas être sous-préfet. Faut bien qu'on s'entende. Et je veux dire, pour moi, je vais parler très franchement, pour moi, la France aujourd'hui est une honte. C'est honteux. La France est honteuse. Je veux dire, vous voyez ? C'est comme quand on a un animal de compagnie qu'on aime beaucoup, vous voyez. À un moment donné, vous avez deux choix. Soit vous laissez souffrir jusqu'au bout et c'est le martyr et c'est très laid, soit vous le terminez. Moi, je pense que la France, faut la terminer. Ça a été très très beau, ça a donné des choses extraordinaires, mais si on va jusqu'au bout du processus, ça va être très très très très laid. Alors, est-ce que vous voulez voir des Sinjar, Mirabeau ou des Abdelkrim Voltaire qui font j'aime beaucoup Abdelkrim Voltaire. Oui, j'aime beaucoup aussi, tu vois, qui pontifie sur la grandeur française, etc., en citant Senghor, par exemple, vous voyez. Ou est-ce qu'on dit non, la France a été un des phares de la race blanche, ça a apporté énormément à la race blanche en termes de culture, de poésie, même de politique, etc. Maintenant, ça suffit, on arrête les frais, on termine, on passe à autre chose. J'ai tendance à me retrouver de plus en plus dans le parti on coupe court au cirque, vous voyez. Parce que sinon, je veux dire, ce qui va suivre va faire vraiment outrage à ce qui existait avant. Il y a quand même l'honneur. L'honneur peut quand même encore exister. Vous voyez. C'est-à-dire quand on voit, parce qu'il y a un problème visuel, quoi, il y a un problème esthétique. Enfin, quand on voit les gens dont on parle, effectivement, là, c'est un affront. C'est-à-dire que je me fous de savoir à quel point un mec qui ressemble à absolument rien est un nationaliste blanc, français, quoi que ce soit. Je m'en branle. Tu ressembles à un monstre. Tu vois, on n'a pas besoin de ça. Un monstre d'une race alien, tu vois, qui vient de l'espace, si tu veux. Ça n'est pas nécessaire. Je pense qu'on en est là en termes de questionnement, honnêtement, tu vois. Et c'est parce qu'on parle d'amour propre, vous voyez, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils se disent non, il faut le drapeau, la grandeur française, alors que ça ne correspond plus à rien en termes réels. En termes politiques, géopolitiques, ça n'existe plus, vous voyez. Enfin, il ne faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, la France a été pulvérisée en 1762 à la fin de l'Empire colonial. Je veux dire, comme puissance qui veut, je veux dire. Le putsch d'Alger a scellé le sort de la France. Je ne suis pas spécialement colonialiste, mais je veux dire, comme volonté d'être et de dominer, c'est là que ça s'est terminé. Ce n'est plus maintenant qu'une longue marche à la mort. Est-ce que ça doit durer ? Moi, je pense que non. Et je pense qu'il faut le combler parce qu'il y a encore des gens en France qui sont talentueux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de Français qui ont du talent, de l'intelligence, qui peuvent marquer leur histoire. Et c'est ça la question. Mais plus grand, en fait. C'est ça la question. C'est-à-dire, dans cet environnement, ça aboutit là-dessus. Dans cet environnement, qu'est-ce que peuvent faire les Français ? Quelle est l'option pour les Français qui ont encore un petit peu envie de vivre, qui ont encore un peu de talent ? Parce que moi, personnellement, je ne les recommanderais pas d'aller signer ou s'affilier à un groupuscule nationaliste. Parce que de toute façon, ils sont tous contaminés, ou presque. Ah, là encore, on va me dire, il y a un tel, il y a machin, il y a truc, d'accord, ok. Mais ils sont à peu près tous contaminés par ce qu'on appellerait aux États-Unis du nationalisme civique, au fond. C'est-à-dire que, voilà, on est peu ou prou nationaliste, oui, bon, allez, si t'es nègre et que t'aimes bien la France, si tu veux bien nous lire un petit peu de poésie, c'est bon, allez, hop. Hein, si tu connais quelques œuvres littéraires, si tu, voilà, je ne sais pas, bref. Si t'écoutes un peu de musique classique, c'est ridicule, quoi, c'est absolument ridicule. Donc, qu'est-ce que peuvent faire des Français qui ont encore un peu envie de vivre, qui ont encore un peu de talent, dans ce cloaque de merde, ou même les pseudo-nationalistes, racialistes ou racistes ont envie d'avoir leur nègre de maison à côté d'eux, et insistent vraiment avec force et, voilà, et conviction. Bah, écoutez, moi personnellement, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se barrer. Hein. C'est-à-dire que je l'ai déjà exprimé, c'est-à-dire je ne pense pas personnellement que la guerre soit perdue en ce qui concerne la race blanche. Peut-être qu'il y a, des victoires dans notre avenir. Mais à mon avis, ça ne sera pas en France. Si ça doit se jouer, ça se jouera ailleurs. Pour moi, là, c'est comme je pense à peu près comme Gandalf, que sur le plan local en France, c'est bouclé. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres suggestions, mais n'hésitez pas. Alors moi, j'appellerai pas au départ, au sens où c'est pas ça que je vois, mais je pense qu'en fait, simplement, maintenant, il faut voir beaucoup plus. Enfin, il faut voir à l'échelle de l'époque. Et je suis désolé, quand on parle à la Chine, on a affaire à quelque chose qui pèse 1,5 milliard d'hommes, qui va très probablement imposer sa marque sur le 21e siècle. Et quand j'entends parler de nationalisme français, je rigole dans ma barbe Et si j'entendais parler de nationalisme allemand, je rigolerais tout autant dans ma barbe. On est dans une autre phase, simplement, dans une autre phase. Et c'est à nous, en fait, d'être capables de penser et de nous projeter dans cette autre phase. Bon, effectivement, on est à l'époque où les États-continents, en fait, comme les USA, la Chine ou l'Inde, vont être de plus en plus dominants, hein, c'est clair, hein, tous les plans de l'économie, enfin, tous les plans de la politique, l'économie et compagnie. Après, quand tu dis qu'on doit... Enfin, moi, je suis pas attaché au drapeau bleu-blanc-rouge, à la Marseillaise... Alors moi, les dernières fois où j'ai porté un uniforme à Marseillais, je la chantais même pas, tu vois, mais c'est dire qu'on doit se débarrasser de tout ce qui a été... Enfin, pas se débarrasser, comment dire. Non, moi je dis pas qu'il faut se débarrasser, c'est pas le bon terme, si quelqu'un aime la Marseillaise. Abandonner l'idée de puissance, il faut la passer à autre chose. Oui, il faut, de toute façon, on est obligé. Disons, non, l'idée de puissance, il faut la conserver, mais simplement il faut la placer à un niveau pertinent. Oui, de toute façon, ici, on est tous quand même assez pro-européens. Je pense pas qu'il y ait de nationalistes français parmi nous. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que moi, la façon dont tu l'as dit, c'est vrai que pourtant, je suis sur la même ligne que toi et ça me fait un petit pincement au cœur, quoi. Alors que, franchement, la gloriole bleu-blanc-rouge, j'en ai absolument rien à brère, quoi. C'est plus, ouais, effectivement, moi, je suis quand même assez enraciné. L'histoire de France, l'histoire de l'Europe, machin. Mais justement, il faut arriver, comme tu dis, va falloir qu'on se réinvente et qu'on arrive à relier tout ça, quoi. À se dire, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos voisins allemands, avec nos voisins belges, nos voisins machin. Ouais, ça, je suis d'accord. Bah, il faut bien comprendre ce que je dis. Je veux dire, c'est pas l'un ou l'autre. Je veux dire, c'est pas conditionnel, c'est pas... Tu ne peux pas avoir de... Moi, je ne suis pas dans la logique révolutionnaire, au sens où tu dis, voilà, pour avoir un futur, je dois me débarrasser du passé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en France, et probablement en Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest, aujourd'hui, clairement, si tu veux, on a les désavantages du fait que tout le monde a oublié le passé, parce que ça, c'est notre réalité, sans que personne ne s'imagine un futur. Parce qu'en fait... on vit dans un présent perpétuel. Ce que nous propose la gauche idéologique qui domine actuellement, c'est un présent perpétuel. C'est une espèce d'hédonisme sans fin. Voilà, il n'y a pas de conséquences. Je suis un irresponsable en puissance, donc je fais ce que je veux. Voilà, voilà, je fais venir des nègres ad vitam aeternam. Ça fait plaisir à titre personnel. Je me sens bien. Voilà, je me sens être quelqu'un de moralement supérieur. Voilà, les conséquences, ça ne m'intéresse pas, en fait. Et c'est là qu'on voit que ces gens sont des individualistes forcenés, des égoïstes vraiment symptomatiques de l'époque, mais il n'y a pas de futur. Moi, ce que je dis, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, je dis, moi, je propose un passé, je propose un futur. Ces gens-là ne proposent ni passé ni futur, uniquement un présent, qui se répète inlassablement. Je ne trouve rien de fascinant dans ce que nous propose la social-démocratie européenne aujourd'hui. Absolument rien. Genre les curtons, les députés, les médias, ces gens ils n'existent pas. Il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Donc, comme je dis, quel avenir, quel futur? Et là, il faut voir grand. C'est-à-dire qu'il faut voir la mesure du génie européen et la mesure du génie de la race blanche. Pour parler très clairement, quoi. Et en fait, c'est déjà, bien sûr, l'Europe, mais plus largement même que l'Europe aujourd'hui, clairement. Parce que quand on met bout à bout toutes les portions du monde blanc, et ça compte l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et la Russie, enfin la Russie blanche, on est sur un milliard de gens, hein, grosso modo. Bon... dans un monde qui va en compter 10 milliards, ça va forcer à l'humilité. Alors je sais que qu'on n'a jamais tellement forcé sur le nombre, mais au début du XXe siècle, où on était vraiment au summum de notre puissance, on était quand même 30% de la population mondiale. Donc ça va quand même nous contraindre à réviser un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il faut vouloir, par l'usage de la technologie, absolument, du génie européen, de l'intelligence européenne, parce que de toute façon, il faut bien comprendre une chose. La Chine, pour ne parler que d'elle, la Chine va vouloir nous détruire, c'est-à-dire nous réduire à rien. Le monde dont nous parle la gauche, dont nous parle aujourd'hui l'Église catholique, dont nous parlent tous ceux qui se retrouvent dans ce discours humanitaire, pacifiste, indolent. C'est un monde de l'acquis, c'est un monde immuable, c'est un monde où rien ne se passe. L'histoire existe, le tragique existe. Les Chinois veulent notre tête. Ils veulent la puissance. À la première occasion, ils vont essayer de nous blesser. Il faut qu'on ait ça en tête quand même. Pareil pour les musulmans, alors avec des moyens différents, mais pareil. Donc on est dans un monde cruel, et ceux qui nous écoutent doivent l'avoir à l'esprit, je pense que beaucoup l'ont, mais ils doivent le communiquer autour d'eux. Donc, nous allons devoir nous réinventer, et tout ce qui a trait, je veux dire, à une espèce de misérabilisme, ou de localisme bête, c'est-à-dire de localisme exclusif, disons, ne produira rien. Donc, localisme, oui, pourquoi pas, si ça renforce les racines, formidable. Si c'est exclusif, c'est absurde. Mais si ça nous permet d'avoir des Jamel Debbouze nationalistes qui font du rap, c'est bien, non? Voilà, c'est ça, mais je crois que la France a choisi finalement son destin, me semble-t-il, enfin, je veux dire, au niveau des élites, c'est que oui, bon, la France a choisi l'Afrique. Bah, c'est-à-dire que maintenant, au point où on en est, on a du rap racialiste fait par des octo-machins de nègres. Hein. Non, mais on a tout ce que vous voulez, si vous voulez, en France. On peut vous vendre absolument n'importe quoi. D'ailleurs, voilà, c'est un pays magique. Et surnaturel. Surnaturel, à vocation, voilà. Donc, oui, est-ce qu'on choisit de continuer à essayer de créer des potions magiques qui donnent les résultats qu'elles donnent depuis, ma foi, 100 ans. Un siècle. Oui, 100 ans, au bas mot. Ou est-ce qu'on change un peu de disque? À vous de voir, si vous voulez continuer sur la même voie, allez-y. Vous pouvez vous engager directement aujourd'hui, vous allez chercher un personnage qui s'appelle Marc Georges, je crois qu'il cherche des troupes. Vous pouvez y aller, voilà. Il est les nègres, il aime ça. Ouais, non, mais voilà, c'est bon. Voilà, est-ce que c'est le 21e siècle? Est-ce qu'on se projette dans la technique, mais vraiment à fond, et dans l'espace, parce qu'en fait, c'est la projection naturelle de l'homme blanc. Ou est-ce qu'on fait caca et auquel cas, bah oui, on se reproduit avec des négresses et puis on finit à chier dans les rues de Paris sur du carton. Choisissez bien parce que c'est un choix dont on ne revient pas. Je préfère le dire. Certains pourront en douter, mais pas moi. Bon, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Oui, sur ces bonnes paroles, pleines d'espoir et d'optimisme, je pense que on peut y aller. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Salut.